Il est écrit ici dans la préface d'un livre qui a été écrit par Daniel Kemp alors qu'il avait 18 ans, un roman initiatique intitulé Il n'y a pas d'autre terre, il n'y a pas d'autres hommes. Il est écrit ici que, et c'est toujours d'actualité, l'homme s'épuise à gagner sa vie. Il n'a plus le temps de la vivre, ne la supporte qu'à la condition de l'oublier. Et il tremble de la perdre. Il ne sait plus à quelques mois près s'il sera civil ou militaire, riche ou ruiné, gavé ou famélique, à l'abri sous un toit ou tapi dans une caverne, en chair et en os ou en cendres radioactives. Mais l'on précise que c'est au bout de la nuit, quand les étoiles s'éteignent une à une, au moment où le sommeil est le plus profond, que les sonneurs, les veilleurs se mettent en marche parce qu'ils ont pour devoir, pour privilège, de veiller quand les autres dorment pour leur annoncer que le jour vient. Ça se termine comme ça. Le jour vient. Ce jour-là, c'est l'aube de l'intelligence. Ce sont les sources mêmes de l'aurore de ce nouvel âge qui annonce donc l'aube de l'intelligence de l'homme et qui est aussi les prémices au crépuscule des dieux. On accueille maintenant celui qui est l'auteur de ce livre, Daniel Kemp. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Ce livre-là qui a été écrit il y a plusieurs années. Refait surface, nouvelle Eh oui, édition. une vague de fond. Oui. Comment se fait-il qu'on le retrouve aujourd'hui sur les tablettes du Centre de l'Universalité? Disons que c'est un roman initiatique qui allie le vécu à la fiction et qui explique d'une façon très digestible les mécanismes de la race bleue, donc de l'homme nouveau, dans un cadre fictif. Mais ce cadre permet l'expression, disons, de connaissances voilées ou paraboliques, permettant l'instruction à des enfants ou à des adultes qui aiment lire des poèmes de 100 quelques pages. Ça permet de passer un message assez dur, mais d'une façon extrêmement douce. Alors, c'est l'histoire d'un enfant de 9 ans qui tient à s'échapper d'une île dans plusieurs années d'ici, alors que la race humaine s'est enterrée sous les cadavres de ceux qui se sont battus. Et sur certaines îles où on a plusieurs survivants, la majorité des habitants se croient les seuls survivants de la dernière fin du monde. Et on a de temps en temps une personne qui essaie de fuir l'île de l'histoire, la Terre Rouge, pour connaître le monde, pour voir s'il y a d'autres terres, s'il y a d'autres hommes. Et chaque fois que l'un de ceux de la Terre Rouge part, il ne revient jamais. Ou lorsqu'il revient, les quelques rares qui reviennent, quelques années après, ont toujours un seul mot à la bouche, il n'y a pas d'autres terres, il n'y a pas d'autres hommes. Mais ces personnages qui reviennent sont totalement différents. Alors c'est l'histoire donc d'un jeune qui tient à s'échapper d'un monde collectif où on enseigne de par la tradition même qu'il n'y a rien d'autre. Et on découvre lorsque une personne quitte l'île, malgré tout, contre tous, que tous ceux qui sont partis viennent l'aider. Et qu'il y a un cheminement hautement initiatique qui suit, qui attend celui qui part. Et à la fin, Samuel revient aussi sur sa terre. Et lui aussi dit qu'il n'y a aucune autre terre, aucun autre homme. De façon à ce que le secret reste gardé. Et c'est c'est un cheminement donc qui est initiatique et à travers le livre, plusieurs choses, dont la descente aux enfers, dont plusieurs mécanismes amusants de la façon dont c'est compté, expliquent les périples de la vie évolutive de l'homme, dans un cadre évidemment fictif. Alors c'est un peu comme un roman d'anticipation. C'est un roman d'anticipation et c'est sans doute le seul roman d'anticipation sur la planète qui contient des photos. C'est vrai, il faut le faire. Parce qu'il y a des photos à l'intérieur du roman, parce que je dis bien que c'est un alliage de choses vécues transposées dans un cadre fictif. C'est assez intéressant. Dans quel esprit ou dans quelle conscience étais-tu quand tu as écrit ce livre-là? Dans la conscience, disons, d'un être transitif. Évidemment, j'étais jeune. L'idée de ce livre, je l'avais depuis déjà belle lurette, depuis longtemps. Et lorsque je l'ai écrit, ça a été assez simple. J'écrivais quelque chose. De toute façon, j'ai commencé par écrire la première page et la fin du livre, la dernière page. Et il me restait qu'à remplir. Alors, lorsque j'avais rien à faire, je dormais, et dormant, je rêvais, et rêvant, ben, je bâtissais l'histoire. Ça se faisait tout seul. Alors, c'est tout un scénario qui a défilé comme ça dans ta tête, et que t'as couché sur le papier. C'est ça que j'ai quand même critiqué. Alors, je l'ai adapté à ce que je voulais faire, mais tout au long de l'écriture de ce livre, j'ai été agréablement surpris de voir que certaines choses qui ne devaient pas arriver, arrivaient. Et c'était intelligent, ça arrive. Alors, je les écrivais. À un moment donné, Samuel, qui a 9 ans, meurt. Il se ramasse dans un autre monde où on lui explique que la mort dans ce monde-là n'est plus nécessaire. Et on lui explique donc un peu pourquoi. Il rencontre différentes choses, mais ce sont des pièges par lesquels il va passer pour arriver à la Terre Blanche, qui sera le Québec ésotérique. Donc, dans ce livre ici, c'est la Terre Blanche. D'ailleurs, Samuel revient aussi au Québec dans le passé. Mais d'ailleurs, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il y a un moment donné où on a de l'ésotérisme québécois où ça explique très bien quel est le rôle du Québec dans l'évolution de l'humanité, mais cette partie a été perdue par l'éditeur. Alors, Samuel revient sur le Mont-Royal, il vit certaines choses, une partie très dévoilée est disparue. Et Samuel revit pour repartir. Il reste suffisamment de documentation dans le livre pour voir des choses. Mais c'est des choses qui doivent arriver lorsque une connaissance est dévoilée dans un cadre non écologique. Dernièrement, au Pérou, on a pris des photos de descendants de la race atlantéenne. Et ces photos... ce sont des êtres humains. Je peux en parler parce que de toute façon, ça ne peut pas créer le même choc que si on montre une photo. Et ces photos n'existent plus parce qu'elles ont été détruites lorsqu'on a rembobiné le film ici au Québec. Le film s'est cassé dans l'appareil. Et lorsque l'appareil a été ouvert, c'était justement sur les photos qu'on voulait garder. Alors, tout le film est bon au complet, sauf la partie prise à Iquitos où on a des personnes noires, brunes, foncées de type Inca, qui ont des enfants noirs, même chose, de type Inca, donc qui vivent dans des taudis à Belen. Et parmi leurs enfants, on a un Européen qui est blanc, aux yeux bleus, les cheveux blonds lisses, avec le visage tout à fait de la race aryenne, qui est la descendante immédiate de la race atlantéenne, la dernière. Alors, à travers ce peuple presque noir, on a un blanc tout à fait des nôtres, si on peut dire. Pour prendre les photos, on ne peut pas, parce que là, c'est une honte... national d'avoir un blanc de ce genre à travers une race Inca fière. Alors, le photographe, disons, de ce voyage, l'expédition qui a pris la photo, a été obligé d'ajuster son focus, et lorsque tout le monde regarde ailleurs, alors il a pris la photo de l'enfant, sans pouvoir l'enligner, parce que la mère plaçait tout ce qu'elle avait à vendre devant. Et hélas, la photo manquait. Chaque fois, donc dans ce livre, c'est un peu la même chose, c'est que quand on dévoile des choses d'une façon trop forte et quand ça s'en va au grand public, dans les conférences, ici, on peut dévoiler des choses d'un niveau beaucoup plus haut parce que les personnes ont le choix de venir ou de ne pas venir. Bon, mais qu'est-ce que c'est qui crée ces interférences ou ce filtrage-là? en dehors de ta volonté personnelle, comme dans le livre, comme dans les photos, par exemple. Bon, d'ailleurs, c'est fréquent un peu partout. Et quand tu, disons que juste quand une personne n'est pas suffisamment intelligente pour voir que ce qu'elle essaie de communiquer ne peut pas être communiqué sous la forme qu'elle l'essaie, elle peut aller jusqu'à se faire tuer. Parce qu'il y aura toujours une personne avec un esprit faible, une psychologie faible, pas un esprit faible, l'esprit toujours fort, mais disons avec une psychologie faible qui pourra être suffisamment manipulable de façon à ce qu'un jour elle vienne se planter devant quelqu'un, même si elle adore cette personne, pour la tuer. Alors on a vu ça avec Kennedy, on a vu ça avec Gandhi, on a vu ça avec Luther King, on a vu ça avec d'autres personnages aussi, où on a des personnes apparemment folles qui vont assassiner. Dernièrement, on a eu un chanteur aussi américain qui s'est fait assassiner. Alors, on doit comprendre l'intelligence de l'écologie dans l'information, l'écologie psychologique. Les mécanismes qui empêchent cela, ce sont les mêmes mécanismes qui filtrent le contact entre l'homme et la nouvelle conscience, entre l'homme et l'énergie supramentale. Alors, on a donc ce que nous appelons ésotériquement un ajusteur de pensée, comme on a un ajusteur psychologique qui est l'intellect. Oui, il est un peu comme un régulateur des événements dans le temps. Exactement. On a l'ajusteur de pensée individuel, on a un ajusteur de pensée collectif et on a un ajusteur de pensée, disons, planétaire. Qui, je pense, les mêmes terminologies parce que ça explique un peu ce que c'est. Ça ajuste les mécanismes d'intelligence à l'homme, chez l'homme. Lorsqu'un fou reçoit la connaissance totale de comment il peut faire un vol de banque ou comment il peut devenir premier ministre, cela doit être ajusté. Une personne qui est dangereuse ne peut pas recevoir ce genre de connaissance, sauf si, à son insu, on l'envoie accomplir quelque chose. Ce qui est arrivé pour Adolf Hitler, ce qui est arrivé aussi pour d'autres grands personnages, que l'humanité maudit d'une juste façon, mais aussi parce qu'elle ne comprend pas non plus les périples de la vie de ces personnages. Alors, il y a donc des ajustements qui sont faits. Par exemple, je parle de moi pour l'instant parce que ce sont les expériences que j'ai vécues, mais je sais que ça se vit régulièrement lorsqu'une personne veut faire quelque chose. Lors d'une émission de radio, d'ailleurs, c'est arrivé deux fois, une fois sur les ondes de CKVL, une fois sur les ondes d'un poste à Laval, où on commence à s'en aller dans quelque chose de drôlement intéressant, de vachement intéressant et de dangereux. Et à Laval, on s'est, à un moment donné, un auditeur qui appelle pour nous dire que ça fait déjà 2 heures qu'on ne reçoit plus. Alors, il y avait une panne de courant dans le secteur où la radio diffusait, mais nous, vu que l'animateur aimait travailler dans la noirceur totale, on ne s'en était pas rendu compte. Alors, on continuait à jaser, tout allait bien, mais on ne diffusait plus. Et c'est arrivé aussi, à un moment donné, sur les ondes de CKVL, où on a eu une perte de diffusion. L'électricité fonctionnait, mais ça n'émettait plus. Alors, ça s'est réparé, et on a, évidemment, le temps qu'on s'amuse de ça, le sujet, on a changé de sujet. Ça ajuste. Je pourrais élaborer longtemps ce soir, mais j'aimerais revenir sur les mécanismes de la réflexion, parce que c'est quelque chose que j'ai promis dans beaucoup de conférences que j'étais un jour pour en parler. J'ai préparé du matériel didactique au cas où tu ne comprendrais pas. Les mécanismes de la réflexion, pour l'aborder, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la réflexion? On a préparé un peu les terrains lors d'une conférence antérieure où j'ai défini un peu de quelle façon l'énergie, lorsqu'elle descend dans le plan de l'homme, arrivait à se refléter dans le temps et dans l'espace pour créer la matière. Suite à cela, elle se reflétait dans la matière pour créer l'énergie vitale, donc la vie, constituer la forme de la matière. Elle se reflétait dans l'énergie vitale par degrés successifs de façon à animer cette énergie, donc elle anime la matière. On tombe donc dans le règne végétal, après être passé par le règne minéral et avant le règne potentiel, donc la probabilité d'expression. Elle peut aussi, disons, animer d'une façon complète la forme, donc elle crée le règne animal ou le règne nominal, l'homme. Se reflétant dans l'énergie vitale hautement évoluée, elle crée la mémoire psychologique, donc elle crée ce que nous appelons le plan astral, elle crée la psychologie, elle crée, et dans cette psychologie va être définie les désirs et l'émotion de l'homme. Se réfléchissant sur l'astral, il va créer le domaine mental où l'homme est capable de coordonner d'une façon intelligente son plan mémoriel, donc où l'homme est capable d'être apparemment intelligent, c'est-à-dire qu'il peut devenir efficace, fonctionnel, mais à partir de ce qu'il a expérimenté seulement. Se reflétant dans l'énergie mentale de l'homme, cela devient l'énergie supramentale, celle qui crée la nouvelle conscience présentement, où l'homme a accès à une intelligence véritable, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'expérimenter un mécanisme pour pouvoir le connaître. Donc, il atteint un savoir instantané, et se reflétant dans cette énergie supramentale, on crée un autre niveau, qui ésotériquement porte le nom de niveau bouddhique, mais qui n'a rien à voir comme tel avec l'être Bouddha, le Gautama, mais qui regarde un peu l'état dans lequel lui il a vécu un peu avant sa mort. Je parle du premier Bouddha, je parle de Siddhartha Gautama, évidemment, je ne parle pas des autres Bouddhas qui ont suivi. Se reflétant dans l'énergie bouddhique, on atteint une autre énergie qui ésotériquement est appelée l'énergie divine, qui n'a rien non plus à voir avec le concept que nous avons de Dieu, mais qui a peut-être à voir avec, disons, l'état pur avant la conceptualisation de ce Dieu, qui est aussi accessible à chaque homme. L'énergie supramentale porte le terme d'énergie christique aussi. Et c'est cette nouvelle conscience, la conscience christique. Conscience christique ne veut pas dire être conscient que le Christ a existé. Être conscient que ce qui a été exprimé par cet être, chez Joshua ben Joseph, Jésus, lorsqu'il est devenu le Christ, c'est ce qu'attend chaque être humain. Ces mécanismes de la réflexion, pour qu'ils soient compris de façon suffisamment poussée pour que l'homme arrive à intégrer cette nouvelle conscience, on doit labourer dans un terrain hautement difficile, celui de la création de l'univers. Et par la suite, on peut arriver à comprendre pourquoi qu'une énergie intelligente, pour connaître la matière, doit se faire matière. Il se trouve que dans le mécanisme de la réflexion, la matière connaît la matière. La vie connaît la vie. L'émotivité connaît l'émotion, tandis que la vie ne connaît pas l'émotion et que la matière ne connaît pas l'émotion. L'énergie mentale, entre l'énergie mentale et l'énergie psychologique, on a l'ajusteur psychologique qui est l'intellect. Une forme d'énergie qui se sert des mémoires et de l'expérience extérieure, mais qui transforme la réalité de façon à plaire à l'ego, l'intellect, qui excuse et qui explique les choses à l'ego, de façon à ce que celui-ci ne vive pas une énergie de culpabilité, une énergie de détresse, parce qu'on fait sauter des concepts qu'il a chez lui, parce qu'on veut lui faire voir la réalité, l'ajusteur psychologique. Lorsque l'énergie descend chez l'homme, elle est obligée, quelle que soit l'énergie, quelle que soit la divinité de cette énergie, c'est-à-dire quelle que soit la vibration de cette énergie, est obligée pour connaître. Et on va expliquer pourquoi l'homme est sur la planète Terre et pourquoi l'énergie doit connaître la matière. Parce que l'homme n'a pas été ou ne s'est pas fait matière pour rien. Et pourquoi, si on parle encore du Nazaréen, pourquoi a-t-il été obligé? Pourquoi disons-nous que Dieu s'est fait homme, Dieu s'est fait matière, de façon à sauver l'homme? J'explique, j'ai déjà expliqué que dans ce sens, le Nazaréen a sauvé l'homme parce qu'il a permis de hausser le taux vibratoire astral de la planète Terre, permettant à l'énergisation du corps mental, ce qui automatiquement attire un ajusteur de pensée, qui met l'homme en contact avec l'énergie supramentale, l'énergie christique ou l'Esprit Saint, toutes des synonymes. Évidemment, les premiers qui en ont bénéficié, ça l'a été les personnes qu'il côtoyait, qu'on appelle apôtres ou disciples, qui ont eu ce contact avec l'Esprit Saint, leur permettant de parler des langues qu'ils ne connaissaient pas, leur permettant de répondre à des choses qu'ils n'avaient pas expérimentées, c'est-à-dire leur permettant d'exprimer ce savoir instantané qu'est l'énergie supramentale. Lorsque l'on comprend pourquoi l'énergie doit se faire matière pour connaître la matière et pourquoi l'évolution commence lorsque l'énergie a évolué à un point tel qu'elle est devenue matière et après elle recommence son évolution, son retour vers la source première. Ça facilite l'intégration du pourquoi l'homme est sur la terre, pourquoi je vis. Il est bien évident que lorsque l'ego se demande d'où je viens, qu'est-ce que je fais et où je vais, cette explication que je vais donner ne répond pas tout à fait. Parce que l'ego est une facette minuscule de l'homme réel. Et l'ego s'identifie à l'homme réel. L'ego n'a pas l'importance qu'il se donne, mais l'ego se croit le nombril de l'univers. Il se donne une importance capitale. Il a une importance. Il est le siège sur lequel peut se développer l'énergie mentale, donc l'énergie supramentale, donc le reste. Mais il se croit immortel dans son essence. Il croit que des énergies supérieures vont le sauver, lui, tandis que les énergies supérieures vont façonner sur lui l'homme nouveau. Et à un moment donné, cet ego qui souffre, qui a peur, qui est craintif, qui doit expérimenter pour se sécuriser, va être supramentalisé, c'est-à-dire qu'il va être, disons, divinisé, il va être énergisé, de façon à disparaître. L'homme égoïque doit mourir pour que naisse l'homme nouveau. Cela va de soi, pour celui qui voit. Comment l'univers a-t-il été créé? Alors, cela, même scientifiquement, on ne l'aborde pas. Je vais expliquer la création de l'univers, mais à partir d'un point dans le temps et dans l'espace, à partir du point même où le temps et l'espace ont commencé à exister. Plus tard, on pourra revenir sur ce qui était avant l'univers. Mais disons que je ne veux pas partir du début de l'infini parce que j'aurais fallu que je commence bien avant. Dans la manifestation, donc. Oui. Alors, on va partir avec un concept. De toute façon, ça ne peut être qu'un concept pour celui qui n'a pas la certitude certaine. Et de toute manière, en employant des mots pour définir ce genre de choses, on ne peut que véhiculer un concept. C'est pour faire comprendre. Et j'ai amené ceci au corps. Parce qu'on peut faire comprendre des mécanismes de création de l'univers avec des bouts de papier. Vois-tu? Alors, si tu ne comprends pas... D'avance, j'ai pas compris. Bon, mais j'ai expliqué quand même. La semaine dernière, on a abordé quelque chose d'original où l'on disait que ici, présentement, il y a des choses. Les choses existent. Il y a l'existentialité. D'où viennent ces choses? Dans l'antique religion, on va dire, elles viennent de rien. De rien, le monde a été conçu. C'est vrai. Mais pas nécessairement par un être déjà existentiel comme l'homme le conçoit. Au commencement, il n'y avait rien. Il n'y avait donc pas de concept de Dieu. Et soudain, il y eut quelque chose. On parle de la Terre. On parle de l'univers. Et on peut parler, dans un ésotérisme plus avancé, des super-univers. Du monde. Mais non pas du monde planétaire, de tout ce qui existe. Alors, un jour, disons, parce que c'est pas un jour, il ne fut pas un temps où il n'y avait rien, et il fut un temps où il commença à être des choses, pour être précis. Parce que les choses ont commencé à exister lorsque le temps a commencé à exister. Parce qu'avant, les choses n'avaient pas le temps d'être. Alors, on ne peut pas dire « il fut un temps où il n'y avait rien », parce que le temps non plus n'existait pas. Il fut donc il n'y eut donc pas de temps où il n'y eut rien. Et ça, c'est existentiel dans l'inexistentiel, mais on va clarifier. Et soudain, le temps est apparu. Et là, l'existence a commencé et ce que l'homme fait a commencé. On va essayer de concevoir quelque chose d'inconcevable. Mais par la parole, par l'imagination, par l'expérience antérieure et par la haute science d'aujourd'hui, qui est suffisamment communiquée par le biais de nos médias, on peut peut-être arriver à générer ce genre de conceptualisation de l'univers dedans notre conscience limitée. L'homme, je dis conscience limitée, ce n'est pas insultant. L'homme, dans sa conscience qui contient une limite, a de la difficulté à percevoir l'infini. C'est normal parce que dans un cadre limité, comme est limité l'ego de l'homme, l'infini ne peut pas exister. On sait que dans une forme matérielle limitée, l'infini existe. Parce que on peut couper en deux quelque chose. Je coupe ce papier en deux, il me reste donc la moitié. Je coupe cette moitié en deux, il m'en reste encore un bout. Je coupe. Et en théorie, mais aussi en pratique, on ne peut pas le mettre en pratique parce que nos instruments sont trop massifs, je vais couper sans jamais arriver à avoir un morceau que je ne pourrais pas couper. C'est bien évident que si j'ai un morceau dans les mains, que je le coupe, il m'en reste la moitié. Cette moitié, c'est un morceau. Je peux encore le couper, il m'en reste encore la moitié. Et il n'y aura jamais de temps où je ne pourrai plus couper dans la réalité. C'est sûr que à un moment donné, je t'ai rendu une molécule. On peut diviser la molécule. Ça donne des atomes. Mais on peut fissurer l'atome, on le sait. D'ailleurs, les Japonais l'ont su à leur dépens. Et cet atome fissuré, il reste encore quelque chose. On n'a pas créé de l'antimatière, ça n'a pas disparu. D'ailleurs, ça crée une énergie, ça libère une énergie qui, dans ce qu'il y a de petit dans notre expression matérielle, possède une énergie qui est à peu près aussi puissante qu'un soleil. Mais on peut encore séparer après. L'infini existe là-dedans, mais dans la conscience de l'homme, la limite, elle est en paramètres, elle est périphérique à la conscience de l'homme, mais elle est aussi au centre. Comme l'univers a été créé. Ce qui fait que l'homme ne peut pas concevoir dans sa psychologie un infini extérieur ni un infini par l'intérieur. Il peut le concevoir dans la matière, avec exemple. Puis encore là, c'est compliqué. J'ai déjà dit un jour à une personne qu'on pouvait compter le nombre de cheveux sur la tête de quelqu'un. Il m'a dit « Ben non, ça se peut pas. » « Oui, ça se peut. Ça va être long, mais ça se peut. » « Ben voyons donc, essaye. Ça, ouais, c'est pas faisable. » C'est limité, le nombre de cheveux. Donc, c'est comptable. On peut aussi compter le nombre de grains de sable dans le désert du Sahara. C'est limité. C'est comptable. Je vous suggère pas d'essayer. Mais ça se compte. Alors, tu peux prendre une quantité de sable, tu peux y aller. On sait à peu près le nombre d'étoiles qu'on a dedans la galaxie de la Voie lactée, la nôtre, dans celle d'Andromède. On n'est pas une étoile près. Mais on est capable d'établir un chiffre qui dépasse la quantité de sable dans le Sahara. Et on est capable d'établir un chiffre qui est légèrement inférieur. Il y a une limite. Mais on peut diviser un grain de sable et le rediviser. Il y a une infinité. L'infini existe déjà dans le plan de l'homme, mais l'homme ne peut pas nécessairement le concevoir dans sa conscience. On visualise. On visualise ceci. Il n'y a rien. On est dans l'espace, c'est-à-dire qu'on est dans le noir. Donc, il n'y a pas de lumière. Et l'homme n'existe pas. Il n'y a rien. Il y a quelque chose qui n'existe pas parce qu'il n'y a pas de temps d'exister. Et dans ce phénomène extrêmement inexistentiel, à un moment donné, disons, une pression s'exerce. Parce qu'il y a quelque chose, on va plus tard essayer de revenir sur ces choses, je vais essayer d'inventer un vocabulaire pour en parler, parce qu'en français, en anglais, en allemand, en japonais, en suisse, ça ne se dit pas. Il y a une distension qui se crée dans ce qui n'existe pas. Et cette, je pourrais dire énergie, mais ce n'est pas un mot adapté, parce que l'énergie existe de par le fait qu'elle vibre. Et la vibration est perceptible en distance et en temps. Le temps parcouru à la seconde, c'est la vibration. Et c'est l'énergie. Donc, ce n'est pas une énergie. C'est quelque chose qui va se gonfler, qui va créer une absence. Lorsque, dans l'univers, et c'est ce qui s'est passé, les savants parlent du Big Bang. C'est ça, le Big Bang. Mais ils ne parlent pas d'avant le Big Bang. Ils ne comprennent plus avant le Big Bang. Ce qui arrive, c'est que cette chose tend à s'étirer. À l'intérieur, il n'y a rien. Mais non seulement il n'y a rien, mais la chose même qui pourrait être à l'intérieur s'étire pour être en périphérie. Ce qui va créer une espèce de phénomène de vide comme cela ne peut exister, même dans l'inexistentiel. Et ce phénomène de vide va créer une explosion créant l'existence. On pourrait dire scientifiquement que lorsque le vide, lorsque l'inexistant s'élimine d'un endroit, automatiquement l'existence est créée. C'est sûr qu'en astrophysique, on va dire que si tu as de l'antimatière et que tu réussis à faire un vide dans l'antimatière, tu crées automatiquement la matière. Et si les deux se touchent, les deux disparaissent. Mais on n'a pas expérimenté ce mécanisme. Ce sont des théories qu'Einstein a amené. Mais Einstein était un gars plugué, mais qui a su s'ajuster, ce qui lui a permis de vivre un peu plus longtemps. Lorsque ce mécanisme se distend, au centre de ce mécanisme va naître quelque chose qui va tendre à aller chercher les parois, à remplir ce vide. Et ça, c'est la sphère de temps qui vient d'être créée, et au centre, ce que les savants appellent le Big Bang, donc de la matière, qui maintenant a le temps d'exister parce qu'elle n'est plus véhiculée, parce que ce n'est pas de l'antimatière, parce que ce qui n'existe pas véhicule normalement. Antimatière pourrait être presque approprié, mais c'est faux, parce que l'antimatière existe par comparaison dans le domaine spatio-temporel à la matière. Alors, on peut dire qu'on a un univers d'antimatière, l'antimatière se distendant à un moment donné par un mécanisme que je pourrais expliquer plus tard, cela crée la matière, mais ce n'est pas tout à fait vrai. L'antimatière et la matière ont été créés en même temps par ce bang. Cette forme qui n'est pas de l'énergie, qu'on pourrait appeler de l'énergie. Dans l'antique religion, on va essayer d'appeler ça Dieu. Et après ça, on va mettre différents paliers de Dieu et on va mettre Dieu à tous ces niveaux de paliers. Alors, c'est pour ça que le mot Dieu, disons, étant galvaudé un peu, je ne peux pas l'employer. Du centre de ce trou éclate l'univers. Cet univers éclate parce qu'il a, il n'a pas le choix d'éclater. Ce n'est pas une décision. Mais c'est écologique en ce sens qu'on doit du centre, et c'est pourquoi j'expliquais que les énergies viennent d'un centre et non pas d'une périphérie. Comment pénètre-t-il pour sortir dans notre univers? Il pénètre par la création même de l'univers, c'est-à-dire que c'est par le centre qu'ils vont être générés. Parce que tout autour, on a une sphère parfaite qui tend à se distendre. Prenons un exemple, peut-être, d'exemple en exemple. On va finir par y arriver, ça va finir par être clair. Prenons une seringue. Vous savez, c'est quoi une seringue? Ceux-là qui... Une grosse aiguille, là, qu'un chiffon. Une seringue. Si on bouche l'extrémité de la seringue et qu'on tire sur le manche, on crée le vide à l'intérieur. Donc, on distend les atomes d'air, ce qui crée une pression intérieure qui va faire une implosion, donc qui va aspirer la seringue si on lâche le manche. Mais si on prend une seringue qui mesure 1 000 de diamètre et qui fait 75 000 de long, qu'on ferme la seringue au complet, donc il n'y a plus d'air dedans. Et là, si on aurait un moteur suffisamment puissant et la matière suffisamment solide pour qu'elle ne soit pas déformée par le vide, si on est capable d'étirer cette seringue de 75 000 jusqu'au bout, on aurait un vide à l'intérieur qui n'a jamais été créé sur la planète Terre. Et dans ce vide intérieur, où il n'y a une molécule ou deux ou trois d'air qui ont été, disons, qui sont restés dans le manque d'étanchéité matérielle de nos seringues, on aurait une ou deux molécules d'air qui pourraient circuler librement dans 75 000 par 1 000. Elles ne circuleraient même plus. Il y aurait quelque chose qui naîtrait dans ce vide. On créerait ce que l'homme peut appeler l'antimatière dans ce vide. Parce que tout étant totalement, il faut évidemment une matière qui n'ira pas s'écraser dedans. Si cela peut résister, et c'est ce qui s'est passé dans la création de l'univers, mais d'une façon, disons, différente, pour essayer de faire comprendre le principe, on aurait quelque chose à l'intérieur de ça qui n'aurait pas le choix de naître. On peut dire que l'atome va finir par éclater, oui, parce que l'atome va être tiré de tout partout. Va finir par éclater. Et dans cette seringue, on va avoir un univers énergétique, on va avoir quasiment un soleil. Mais c'est une énergie qu'on ne connaît pas, qui ressemble à ce que les astrophysiciens, les savants appellent l'antimatière. Lorsque cet univers se tend, lorsque l'inexistentiel périphérique se tend, à l'intérieur, à un moment donné, on n'a plus rien. Mais un rien que l'homme ne connaît pas, que l'homme ne peut même pas conscientiser. Ce qui crée l'éclatement, le bang. Et là, de partout dans l'univers, 360 degrés, multiplié par 360 degrés, donc sur tous les azimuts, on a de l'énergie qui s'en va. Et ça, c'est l'univers qui vient maintenant d'être créé. Quand le temps et la matière sont créés, l'univers apparaît, et tout ça n'éclate pas dans la réalité, mais est aspiré par les parois périphériques du monde, c'est-à-dire de l'univers qui contient les super-univers dans lesquels on est. Ces formes s'éloignent, et plus elles vont s'éloigner dans ce vide, plus elles vont perdre en vitesse. Parce que dans cette chose créée en matière, il y a le temps et l'espace qui est créé, et l'amalgame des deux crée la matière. Dans la périphérie même de cette extension, on va avoir des galaxies, on va avoir des planètes et des soleils. On sait que la planète Terre et son Soleil sont dans la périphérie parfaite de la galaxie de la Voie lactée et qu'on se dirige vers le centre de la Voie lactée. Ça, on le sait. Et d'ailleurs, tous les mécanismes évolutifs se trouvent toujours en périphérie, c'est-à-dire là où le temps est le plus réduit. Parce qu'au centre, le temps n'est pas le même que celui que nous vivons sur le plan planétaire. Et évidemment, au centre de la galaxie, le temps n'est plus le même non plus dans le plan divin, bouddhique, supramental, galactique. Après ça, on a les plans terrestres. Lorsque l'énergie, lorsque ce qui est créé dans ce contexte qui maintenant contient le temps et l'espace apparaît, il est automatiquement envoyé, diffusé au fin fond de cette sphère. Pourquoi? Pour remplir la sphère. Pour créer, pour éliminer le vide attractif de cette sphère. Éliminant le vide, l'involution, l'expansion de l'univers cesse. Toutes les énergies ne sont plus exprimées vers la périphérie. C'est plein. Ces énergies-là auront comme fonction par la suite de récupérer, de revenir vers cette source première, en ramenant avec elle la périphérie de l'espace-temps pour que cet univers disparaisse. Et c'est l'un des travaux de l'homme, celui de venir. L'homme est une énergie hautement de ce qu'il y a de plus haut dans l'univers, d'ailleurs ça avec, c'est de l'énergie divine, mais qui est exprimé dans un contexte très, très, très limité au niveau de l'espace-temps. Donc, ça se met à vibrer et ça ralentit pour créer ceci. Lorsque l'homme, lorsque l'énergie se fait matière par des principes qu'on a déjà vus, que je résume très brièvement, la matière peut recevoir la même énergie qui n'a plus besoin de devenir matière. Donc, cela devient un plan vital. La même énergie perçue par le plan vital crée le plan psychologique, l'homme ancien. La même énergie perçue par le plan vital crée l'homme, l'homme moderne. Et la même énergie perçue par le plan mental crée l'homme nouveau. La même énergie perçue par le plan mental, par le plan supramental de l'homme nouveau va créer l'homme bouddhique. Les phases par lesquelles le Nazaréen est passé et d'autres sont passés. Jusqu'à temps qu'on ait un homme divin, c'est-à-dire un être qui connaît totalement la matière, qui peut avoir un corps de lumière, qui n'a plus besoin de se reproduire parce qu'il ne meurt plus. Donc, il n'a pas besoin d'assurer sa réincarnation dans les souches successives de la génétique. Et le fait même que l'homme soit la seule énergie qui a su évoluer sur la matière. Lorsque Dieu vient sauver l'homme, c'est l'énergie supramentale de premier abord, l'énergie christique. Celui qui ne passe pas par le Christ n'arrivera pas au Père. Celui qui ne passe pas par l'énergie supramentale n'arrivera pas aux autres énergies, cela va de soi. Cette énergie ne vient pas sauver l'homme. Cette énergie, elle est exprimée, elle est de même nature que l'homme. Mais c'est évoluant dans cette sphère spatio-temporelle, elle perd en vibration, donc elle devient de plus en plus vibratoire, lente, elle devient lumière, elle devient, disons, mentale, à psychologie, vitale, lumière, chaleur, jusqu'à ce que ça soit une vibration sonore, juste que ça soit la matière. On va vite, on a beaucoup d'autres jours pour reprendre ce thème. Si je prends un morceau de métal, je prends ce morceau de métal, je le fixe après un instrument qui est capable d'émettre une vibration dans le métal. Le métal se va se mettre à vibrer. Un oscillateur, par exemple, on en a en électronique, ce qui va sonner sur les cloches. Et dans l'informatique, d'ailleurs, on a aussi un oscillateur électronique qui émet justement un signal. Donc, c'est comme je frappe. Je frappe, j'émets une vibration. Et si tu touches la paire de ciseaux qui est en métal, tu vas sentir la vibration. Même chose lorsque un camion diesel passe chez vous, que votre vitre de salon se met à vibrer, c'est que la vibration même de ce moteur, qui a été transmis par l'air ou par le sol, fait vibrer la vitre. La vitre va, en vibrant, comme le diaphragme, disons, d'un haut-parleur, va émettre un son aussi. Je fais vibrer et je perçois par un sens qui est le toucher. Le sens du toucher perçoit une vibration jusque approximativement à 1 500 000 vibrations à la seconde. C'est relativement sensible. À un moment donné, le sens du toucher perçoit en bas d'un 1 500 000. Si je perçois la vibration, ça va. Mais soudainement, je ne perçois plus tellement, mais je perçois encore. La vibration dans le métal, qui était une vibration ondulatoire, commence à résonner. Commence à sentir un son, comme sur un diapason. Commence à sentir une chanson, un son vibratoire. Ça commence très bas. Et là, on a deux sens qui perçoivent, le toucher et l'oreille qui perçoit la vibration dans ces molécules de fer. On crée des énergies. J'entends de très bas aller à très haut, jusqu'à 1 500 000 secondes, où je n'entends plus. On rentre dans une forme d'onde tellement petite, c'est une onde sonore, mais que l'oreille ne perçoit plus et la main non plus. Est-ce que c'est des ultrasons, ça? Non, ça se rapproche. D'ailleurs, ça dépend encore de où on va s'arrêter, mais ça peut faire partie des ultrasons, des ultra-ultrasons et des micro-ondes. J'augmente encore la fréquence dans mon métal et soudain, je commence à percevoir de la chaleur sur le métal. Et c'est ce que c'est cette formule que l'on va employer pour les fours micro-ondes. Ce sont des ondes sonores qui vibrent à une vitesse tellement haute que ça réchauffe la matière. Ça vibre, je commence à chauffer. Mais je n'entends plus rien. Par contre, je peux maintenant percevoir par un autre sens encore le toucher. Ça vibre tellement que ça commence à créer une autre forme. Ça commence à créer de la lumière. Ça commence à chauffer et ça devient rouge. L'infrarouge, le rouge. L'orangé, ça continue à chauffer, ça continue à vibrer jusqu'à temps qu'on arrive au bleu, au violet, à l'ultraviolet. Je commence à perdre l'image même de ce réchauffement et je passe dans un autre. Je viens de passer le champ de lumière. Ça continue à vibrer. Je continue à augmenter le cycle en haut de 3 millions de cycles à la seconde. C'est extrêmement rapide. Et je crée quelque chose d'autre. Je monte jusqu'à quelques milliards de cycles à la seconde et je crée la vie. Je crée l'animation moléculaire à l'intérieur. La forme peut commencer à se travailler. Si la chaleur et si le métal ne résiste pas suffisamment à la chaleur, évidemment, il peut se travailler avant. On sait que le feu est proche de l'énergie vitale. D'ailleurs, c'est pourquoi on brûlait les sorcières. À l'époque, on voulait les faire disparaître. On les brûlait vivantes. Comme ça, l'énergie vitale et l'énergie psychologique étaient brûlées par le feu. Alors, elles ne revenaient pas en fantôme hanté. C'est pour ça qu'on les brûlait vives. Bon. Je poursuis cette augmentation de vibration. Je crée donc la vie, l'énergie vitale. Je poursuis dans des trillions, des trilliards de cycles. Et je vais créer aussi une mémoire dans laquelle va être enregistré ce qui se passe. On arrive à la psychologie. Plus je vais monter en vibration, plus je vais aller chercher des choses qui vont me permettre de créer ce que l'homme est. Et l'homme est le seul véhicule, le seul être, la seule forme d'expression énergétique qui a su conserver la matière, conserver l'énergie vitale, conserver l'énergie psychologique ou astrale, conserver l'énergie mentale, c'est-à-dire qu'il a su faire l'alliage de toutes ces vibrations sans que le corps devienne vital ou lumière, que l'énergie vitale devienne psychologique, crée un fantôme, que l'énergie psychologique devienne une énergie mentale. L'homme est la seule forme d'expression où tous les paramètres dont d'expression d'énergie dans leur évolution peuvent se regrouper. Ce qui fait de l'homme le seul véhicule réel d'évolution dans tout notre univers. L'énergie qui évolue, l'énergie divine qui évolue, qui s'en va vers la matière, touchant l'homme, est capable de rester dans le niveau où elle a touché l'homme, sans avoir à expérimenter les autres parties de cet univers d'espace-temps. Lorsque l'énergie intelligente manque un homme et frappe un cochon, elle devient ce cochon. Lorsque l'énergie intelligente frappe un homme, selon l'ego, elle peut devenir une partie de l'ego. Donc, elle va être capable de dynamiser l'ego pour que l'ego devienne un chef puissant militaire, pour que l'ego devienne un puissant voleur, pour que l'ego devienne un puissant homme d'affaires, donc c'est plus haut que le voleur, devienne un maître de la paix. Si cette énergie frappe quelqu'un qui a déjà une vibration plus haute, il va être capable d'instruire d'une façon plus haute encore. Alors là, ça devient un dirigeant qui est capable de manipuler pour avoir un résultat qui va être écologique. Un peu comme lorsque Pearl Harbor a été bombardé. On a intentionnellement retardé un message envoyé par les Japonais qui avertit les Américains d'une attaque pour que la flotte se fasse couler. Et ça, c'est un travail américain de faire en sorte que Pearl Harbor se fasse descendre, que toute la flotte coule. Parce que le peuple américain, étant un peuple pacifique, il ne voulait pas entrer en guerre, et la seule façon de forcer le peuple à accepter politiquement la guerre était que les Japonais fassent une catastrophe aux États-Unis. Alors, évidemment, c'était souhaitable. On a laissé, simplement, penses-tu, quand on voit des avions japonais en haut et qu'on pense que c'est les nôtres, Et on se met tout à fait été à jouer de la trompette, et à un moment donné, ben là, il lance les bombes, puis commence à couler les torpilleurs américains, les porte-avions, les cuirassés. Ils descendent quasiment 90% des avions au sol. C'est parce qu'on n'a pas voulu rien faire. Même les radars, ferme-toi, laisse faire. On a obligé. Alors, on a donc un gouverneur, à un moment donné, qui a la faculté, en captant cette énergie, de la laisser à un niveau suffisamment haut pour avoir une conscience, disons, si ce n'est pas locale, au moins nationale, sinon planétaire, de ce qui doit être fait pour que la leçon, pour que la phase initiatique de la guerre se termine à un moment donné. Fallait que les États-Unis d'Amérique entrent en guerre. Et le peuple ne voulait pas parce que le peuple était au niveau spirituel où la paix, peace and love, ça l'a commenté, Churchill a parti différentes choses au niveau de cette victoire, qui a été transformée en peace, en paix et amour après. Si l'énergie bloquée plus haut, on a quelque chose d'autre. Et plus cela va aller, on aborde le phénomène de l'homme nouveau, où il est capable d'avoir une conscience nouvelle, conscience planétaire. Mais en deçà de la gamme de rayonnement infrarouge, là, puis au-delà de l'ultraviolet, est-ce qu'on peut situer là, des plans parallèles? Est-ce qu'il y a d'autres mondes en dehors de ça? Bon. En delà de l'infrarouge, on a surtout le plan de la chaleur. Donc, en delà de la lumière. Dans ce plan, matériellement, on n'a presque rien que l'homme ne connaît pas. Ce sont des plans parallèles, mais que l'homme connaît. Parce qu'il faut comprendre que lorsqu'une énergie d'un type particulier s'unit à une autre énergie supérieure et inférieure, ce qui se passe chez l'homme, elle n'a pas tout à fait la même qualité chimique ou électrique de la même énergie qui est libre. L'énergie vitale de l'homme n'a pas la même qualité électrique que l'énergie solarienne ou tellurikienne qui circule, même si l'homme en est constitué. Je prends un exemple encore pour expliquer. Si je prends un atome d'hydrogène. Bon, alors l'hydrogène, croyez-moi sur parole ou vérifiez dans un tableau périodique, c'est constitué d'un noyau qui contient un proton et un neutron, disons. Je simplifie. Et autour tourne un électron. Ça, c'est de l'hydrogène. Je prends un autre atome d'hydrogène, donc j'ai ici un noyau, on va éliminer le neutron. J'ai un proton et un électron, c'est de l'hydrogène. Ici, j'ai un proton et un électron, c'est de l'hydrogène. Je prends ces deux protons, je les colle ensemble. Il y a des neutrons, mais oublions-les. Je les colle ensemble et ces deux électrons tournent maintenant autour de ce même noyau. Les deux étaient identiques, je les accole et maintenant j'ai deux électrons qui tournent au-dessus, autour d'un noyau qui a deux protons. Je n'ai plus de l'hydrogène, j'ai de l'hélium. Le premier, je mets le feu dedans au contact avec l'oxygène, ça saute. Lorsqu'on emplissait les dirigeables à l'hydrogène, on a eu le Zeppelin, puis on en a eu plusieurs qui ont brûlé, qui ont sauté. Je prends ces deux, je les colle ensemble et j'arrive donc à fusionner le noyau et les électrons tournent autour, je crée de l'hélium, qui est plus léger que l'hydrogène, mais qui est un gaz inerte, qui ne brûle pas, qui ne réagit avec rien. Mais j'ai pris quoi? J'ai pris le même constituant de la matière. Si je prends, prenons par exemple un exemple encore plus alchimique. Je prends du mercure. Le mercure contient 80 protons dans le noyau. Et c'est les mêmes protons que notre hydrogène, et autour duquel gravitent 80 électrons, 80 planètes. Ce sont les mêmes électrons que dans mon hydrogène, mais ça, c'est du mercure. Ça a une densité très particulière, c'est le seul liquide qui ne mouille pas. Tu mets ton doigt dans le mercure, tu le sors, il n'est pas mouillé. Et si je suis capable, dans mon noyau de mercure, d'ôter un proton, doter un électron, je crée un atome d'hydrogène, il me reste une molécule qui a un atome qui contient 79 protons, 79 électrons. c'est de l'or. Les alchimistes ont toujours voulu faire de l'or à partir du mercure, beaucoup plus qu'à partir du plomb. Les alchimistes, ceux qui voulaient avoir de l'or, ont parti que le plomb coûtait moins cher que le mercure. On peut aujourd'hui prendre du mercure et en faire de l'or scientifiquement, sauf que l'or revient plus cher que l'or d'exploitation. Alors évidemment, on n'est pas fou, on ne le fait pas. On arrive à faire des choses aujourd'hui, mais qu'est-ce qui est intéressant dans ce mécanisme scientifique? C'est que le même électron, on n'a pas 50 sortes d'électrons, on a approximativement 80 à 120 matières connues sur la Terre. Du fer, du cuivre, de l'aluminium, du zinc, de l'oxygène, de l'hydrogène, de l'azote, etc. On a, disons, 120 éléments connus. Mais ces 120 éléments, qu'est-ce qu'ils ont de différent? À chacun, un électron, un proton ont été rajoutés. Hydrogène, un électron, un proton. Hélium, un électron, un proton. Lithium, on rajoute un électron, un proton. On est rendu à 3, 3, 2, 2, 1, 1. Même chose, lithium, hélium, hydrogène. On rajoute un proton, on rajoute un électron, on a une autre matière. Vous savez, vous prenez l'hydrogène, on en a besoin pour le respirer. L'hydrogène pur comme tel est toxique, mais on en respire un peu, ça ne dérange pas, mais presque pas. Allié à l'oxygène, c'est bon pour notre corps, c'est de l'eau. Si je prends du sodium, qui est un amalgame du même proton et du même électron, mais dans une quantité différente, le sodium est un poison violent pour le corps. Le chlore, même proton, même électron, quantité différente, poison toxique pour le corps. Je prends ces deux atomes, je les colle ensemble, je fais du NaCl, le sel de table, hautement nécessaire pour le corps. Et à l'intérieur du corps, il va être dissocié et plus toxique. La matière, tout ce qu'on a comme matière, c'est constitué du même électron, du même proton, du même neutron, qui permet l'équilibre à l'intérieur du noyau. Mais lorsque l'on rajoute un proton et un électron, on a une autre chose. Ce qui fait que tu es constitué de la même chose que ça, mais dans des proportions atomiques différentes. Ce qui crée la matière différente. Et lorsque la vibration de cette matière est capable d'être suffisamment énergisée, le carbone s'énergise vitalement facilement. Et donc, presque tout ce qui va être animé va avoir du carbone. On appelle ça la matière organique, qui peut être organisée en vitale, en forme vitale, en vie. Ce qui fait que si tu as une énergie vitale corporelle, elle n'est pas nécessairement, elle est de même ordre vibratoire, mais elle n'a pas nécessairement la même qualité chimique ou électrique que l'énergie vitale d'une plante ou que l'énergie vitale extérieure à toi qui circule et qu'on respire et qu'on mange régulièrement. L'énergie, tout ce qu'elle a à faire au niveau matériel, c'est d'être capable de devenir suffisamment amoureuse l'un de l'autre, d'avoir une attraction suffisamment puissante pour que certaines formes moléculaires se transforment dans d'autres choses. La digestion chez l'homme, c'est une coloration réellement involuée de ce que l'homme va arriver à faire un jour où il n'aura plus besoin de manger, où il pourra lui-même constituer les éléments qu'il a besoin, à partir des éléments qu'il a. Il est des atomes, il est donc des électrons, des protons et des neutrons. Lorsque l'homme monte en énergie, lorsque cela évolue, ses électrons, ses protons et ses neutrons, donc ses atomes, sont vibratoirement dissociés, discontinués, pour créer l'énergie vitale, pour créer, lorsque cela est encore plus vibratoirement dissocié, l'énergie de la psychologie. Les mondes parallèles que l'on va retrouver en haut de la lumière, entre la chaleur et la lumière, entre la chaleur qui devient lumière, on n'a pas comme tel de monde parallèle. Inconnu, totalement inconnu de l'homme. Lorsque, au-delà de la lumière, la vibration se poursuit, Là, on va commencer à constituer des mondes qui sont dans le domaine matériel de l'homme, donc régis par l'espace-temps de la planète Terre, mais qui ne sont pas perceptibles par le sens de l'homme. Mais quand la religion, est-ce que la religion n'a pas énoncé une vérité scientifique lorsqu'elle a, elle a simplement apporté les concepts de l'enfer et du ciel dans la zone infrarouge et dans la zone ultraviolet? Est-ce que c'est pas un peu ça scientifiquement qui est bon, prouvé à l'existence? Oui, on pourrait effectivement. Disons, aborder. Vibratoirement, ce sont des phénomènes de conscience. Dans l'astral, dans la psychologie, lorsque la personne passe dans le monde des morts, cette psychologie, elle est vibratoire sur plusieurs niveaux. Et lorsqu'elle a une vibration similaire à la matière, elle ne crée pas nécessairement d'infrarouge, mais par comparaison à la lumière, c'est similaire. Lorsque la lumière est suffisamment évoluée, elle est ultraviolette. Lorsque la lumière est suffisamment évoluée, elle est infrarouge, presque chaleur. Et évidemment, elle est presque matérielle. Alors, lorsque la religion parle justement de ce feu infernal ad vitam aeternam, il parle d'une baisse d'énergie du plan de l'âme, donc du plan de l'ego, une baisse d'énergie qui va donc finir par rallier les plans vibratoires, non pas tout à fait de l'infrarouge, mais similaires. Et ça ressemble pour ce plan, c'est le plan le plus bas de l'énergie astrale, comme va être le plan le plus bas de la lumière, l'infrarouge. Alors, effectivement, c'est l'enfer. L'ultraviolet, le ciel bleu, mais disons le ciel ultraviolet, d'un violet presque translucide, ça va être la représentation de notre lumière ultraviolette, qui va être aussi le point le plus ultime, le plus évolué de la lumière, comme dans la dernière phase purgatorielle pour l'ego, dans sa dissociation terrestre, dans le monde des morts. Il découvrira avec cette phase paradisiaque avant qu'il découvre quelque chose de supérieur où l'esprit se reconnaît lui-même. Donc, ça voudrait dire en quelque sorte que l'homme aurait soit une conscience infernale ou une conscience céleste par rapport à sa capacité ou sa faculté d'intégrer ces pulsations d'énergie rayonnante là, oui. dans différents taux vibratoires. Est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire ça et plusieurs autres facteurs viennent aussi interférer au niveau du cœur. Tu parlais tout à l'heure d'enlever des électrons, d'en rajouter, etc. Au niveau du passage de l'homme ancien à l'homme nouveau, ce serait quoi dans cet exemple-là, par analogie, qu'il faudrait retirer? Est-ce que l'électron qu'il faut enlever, c'est l'ego ou quoi, pour passer au stade supramental? C'est quoi cet électron? Moléculairement, atomiquement, on ne retire rien aux molécules. Disons, on parle de molécules maintenant, dans l'énergie vitale et dans l'énergie psychologique astrale, dans l'énergie mentale, ce ne sont plus des atomes. Mais c'est une forme, disons, qui est subatomique. Si on prend le schéma des atomes, pour parler du plan mental, du plan astral, donc de la psychologie de l'émotion, des désirs et tout ça, des mémoires, et du plan vital, la vie, on n'ôte pas, on doit rajouter. C'est-à-dire qu'on doit prendre deux molécules similaires. Par exemple, on prend deux hydrogènes, on doit en faire de l'hélium. On prend deux molécules d'oxygène, on les soude ensemble pour fabriquer une autre molécule. Alors, on ne doit pas, la mémoire, ce qu'elle fait, et c'est pourquoi l'astral a toujours été bon, on y va par analogie, la mémoire, elle accumule de l'information, donc elle gonfle l'ego. L'âme se trouve gonflée par l'expérience, par le contact avec ci, avec cela. Lorsque ces mémoires, ces informations sont fusionnées, c'est une fusion, parce qu'on a eu la fission, ce qu'on divisait, et l'homme a toujours été fissionné, disons, en termes d'évolution. Il doit fusionner atomiquement, comme sous les autres plans. On parle d'analogie. Et lorsque ces phénomènes sont fusionnés, on crée quelque chose qui est hautement supérieur à ce qu'il y avait avant, de par sa formation et de par sa possibilité de vibration. Alors, ce qui doit arriver, c'est que l'énergie qui descend, elle a une force, elle a une vibration supérieure, et lorsqu'elle descend, elle va s'équilibrer avec ce qu'il y a chez l'homme. Donc ça dépend de sa conscience réflexive. Exactement. C'est ça. S'équilibrant avec ce qu'il y a chez l'homme, il va faire monter d'un degré aussi haut que lui aura à descendre pour qu'il y ait un équilibre entre l'homme et l'énergie qui descend. Plus l'homme a une consonance vibratoire basse, ce que snobement l'homme ancien va dire, plus l'homme est involué, vibratoirement il est plus bas, Alors, automatiquement, pour le monter, l'énergie doit descendre plus bas. L'homme évolue, mais il n'arrive pas à un niveau peut-être suffisamment puissant pour ne pas digérer et intégrer cette énergie pour revenir à son état initial. Lorsque la conscience de l'homme est suffisamment vibratoire, suffisamment énergisée, et ça, les hautes sphères spirituelles de l'astral planétaire permettent cette élévation, où l'homme vise la paix, l'homme veut voir Dieu, l'homme veut évoluer, l'homme veut s'améliorer, tandis qu'on a une phase psychologique où l'homme veut détruire, l'homme veut posséder, l'homme veut se sécuriser. C'est une sécurité spirituelle, mais elle est d'un ordre vibratoire drôlement plus haut. Alors, lorsque l'homme arrive là, l'énergie qu'il traverse pourra monter l'homme et restera plus haut que celui qu'il devra être équilibré plus bas. Alors, l'homme a un contact avec Dieu, l'homme a un contact avec lui-même, l'homme a un contact peut-être avec une intelligence qui va lui dire « ce n'est pas Dieu, c'est toi ». L'homme intègre cette énergie. Et dépendant donc du niveau de conscience de départ de la personne, dépendant de son taux vibratoire physique, et ça, on va revenir dans une conférence sur la guérison ésotérique avec le décodage justement des maladies physiques par rapport à ton degré d'énergie. Dépendant donc de ton plan physique, de ton plan vital, de ton plan psychologique, de ton plan mental, l'énergie de l'intelligence qui vient descendre chez toi, qui va être réfléchie par ta conscience, aura une connotation particulière. La matière, excuse-moi si je prends tes informations, la matière, ce papier n'a pas de couleur, il reflète la lumière jaune. Reflétant la lumière jaune, il devient jaune. Mais si je prends un autre papier qui a une autre conscience vibratoire différente, la même lumière est reflétée d'une couleur différente. Je ne peux connaître cette couleur que si la matière la réfléchit. Et cette couleur, elle n'est pas lumière, elle est matérielle. La lumière, elle n'a pas de couleur. Lorsque l'homme reçoit une énergie supramentale, une énergie intelligente, selon sa conscience, se trouvera réfléchi dessus ce qui sera exprimé par l'homme. Alors, plus l'homme a une vibration haute, plus ce qui sera réfléchi sera haut, donc on aura une couleur plus ultraviolette que infrarouge, donc infernale. Donc, dans la deuxième partie, il faudrait voir un peu en détail les mécanismes qui permettent à la conscience, justement, de réfléchir des degrés plus ou moins élevés d'énergie. Et oui. Qu'est-ce qui l'en empêche, peut-être? Comment c'est bon? Si ça te plaît, on peut aussi poursuivre un peu la conférence, justement, dans la deuxième partie, avant de passer à la période de questions. Alors, Daniel, il y a beaucoup de questions sur l'involution, l'évolution, le temps, etc. Donc, la deuxième partie, je ne serai pas technique, on va prendre un vocabulaire peut-être plus vulgarisé. Quand on brise la glace, évidemment, il faut une grosse pelle ou une grosse masse, mais disons que on va laisser faire la technicalité pour la deuxième partie. On va être plus humanoïde. Alors, une première question ici, on te demande, lorsque vous expliquez tout ce que vous avez dit, en étiez-vous pleinement conscient au moment de le dire ou était-ce un concept pour vous aussi? Autrement dit, est-ce que tu sais à l'avance ce que tu vas dire ou est-ce que tu le découvres au moment où tu le parles? Bon, c'est ça, je le découvre au moment où je le parle. Il peut m'arriver de temps en temps, lorsque je jase avec certaines personnes, soit dans les cours, soit dans les séminaires, qu'on me pose des questions particulières. Alors, c'est sûr que lorsque j'ai répondu une fois, c'est assez facile pour moi d'aller fouiller dedans les mémoires de ce que j'ai déjà dit, mais ça ne me plaît pas nécessairement. Alors, comme ce soir, j'ai appris beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez appris, mais... ce n'était pas un concept pour moi... Sauf que je ne conserve pas en mémoire nécessairement ce que je vais sortir, ce qui me permet demain matin de recommencer puis de dire d'autres choses. Et si je prends conscience chaque fois que j'aborde ce phénomène de la création, par exemple, j'ai toujours le même genre d'énergie qui me dit que ce que je pense ou dis est ça, ben, tant que ça me va, c'est ça. Puis quand ça m'ira plus, ça sera autre chose. Et si ça me va toujours, ben, j'aurais touché juste la première fois que j'en aurais parlé. Alors, pour moi, concept ou pas concept, l'idée même, c'est que je n'en fais pas une fois. C'est-à-dire que je ne cristalliserai pas ce que j'ai dit. Ça expliquait bien, dans mon sens, en du moins ce que je voulais amener. Et je vais pouvoir y faire référence de temps en temps pour pouvoir expliquer d'autres choses. Et ça ne m'empêchera pas un jour de changer complètement ce que j'ai dit pour dire d'autres choses. Je n'ai pas, disons, de face à sauver. Alors, je parle, j'apprends. Je peux, par contre, dire que je suis certain, malgré la coloration des mots, malgré la, disons, la descente de cette énergie pour expliquer la création dans une langue qui n'est pas nécessairement appropriée à ce genre d'explication, que, grosso modo, tout ce qui a été dit s'est passé comme ça. Mais ça n'a aucune importance. C'était pour faire comprendre ce que l'homme fait ici. Et dans les questions que vous allez poser, alors j'espère que vous allez poser des questions pour éclaircir ce qui n'a pas nécessairement été clair. Et de toute manière, les conférences qui suivent, comme celles d'avant, ne sont pas toujours techniques de cette façon. Et on va pouvoir quand même se servir comme référence de base un peu de ce mécanisme de création de l'univers pour expliquer ce que l'homme fait ici. Et la femme. Ici un petit commentaire, très très bonne conférence. Personne dit ceci, j'ai remarqué qu'au début de la conférence, vous aviez l'air d'attendre quelque chose. Puis deux personnes se sont levées, sont sorties de la salle, après quoi vous êtes parti à expliquer énergiquement, étiez-vous écologique? Ça va des espions. Autrement dit, est-ce qu'il peut y avoir une interférence vibratoire dans une salle comme ça? Exactement. Dans le début, j'expliquais justement l'écologie qui fait que dans un livre, par exemple, ou dans différents mécanismes, on peut arriver à empêcher des connaissances d'être introduites dans des égos qui ne sont pas nécessairement en équilibre avec ce qui va être dit. Les personnes ne sont pas plus involuées ou plus évoluées ou plus égales. Ça n'a aucun rapport. Sauf que parce que l'évolution de l'homme, souvent vous allez regarder votre voisin, votre enfant, votre mari, votre femme, et vous allez dire, lui, il n'est pas évolué. Pourquoi? Parce que vous comprenez quelque chose que lui ne comprend pas. Mais lui comprend d'autres choses que vous ne comprenez pas. Alors, ce qui fait que l'évolution de l'homme, elle est presque égale, sauf pour quelques exceptions, mais exceptionnelles. Elle est presque égale, sauf qu'une personne comprend des choses, l'autre comprend d'autres choses, mais ils ne peuvent pas s'interchanger leur communication, leur connaissance, pour la simple raison que moi, je peux dire des choses que deux personnes ne pouvaient pas absorber, et une autre fois, je vais dire d'autres choses, je vais essayer de m'arranger pour que ça arrive jamais, où ces deux personnes vont rester assises et vous allez toutes sortir. Alors, ce n'est pas un critère d'évolution. Je fais simplement ce petit détour pour bien faire comprendre. Oui, effectivement, c'est de l'écologie. Vibratoirement, je ne me branche pas, ça ne va pas, j'essaie, il y a quelque chose qui me dit soit que le sujet n'est pas prêt, trop aride, alors me mettre à parler, sur lequel je voulais me mettre à élaborer, n'est pas adapté. Il y a plusieurs raisons qui peuvent, à un moment donné, transformer la psychologie d'une salle. Ou bien, il y a un élément ou deux qui ne vont pas. Plus souvent qu'autrement, ces éléments vont sortir. Lorsque ces éléments ne sortent pas, on a vu ça souvent, ceux qui, disons, viennent à mes conférences depuis longtemps, où je me censurais tout au long de la conférence. Alors, je parlais et à un moment donné, je broutais un petit peu à côté, puis là, je m'en allais. Je me censurais tout au long de la conférence. Après le retour du Pérou, j'avais pris la décision de ne plus me censurer. Alors, évidemment, il y a des choses énergétiques qui vont faire que les personnes qui pourraient être hautement troublées par ce que je vais dire vont quitter la salle. Ceux qui ne sont pas suffisamment solides, disons, on parle encore de phénomènes énergétiques, on pose souvent la question, alors si elle est posée, tu pourras la sauter. Ceux qui peuvent absorber, mais qui n'ont pas l'énergie suffisante pour pouvoir absorber l'énergie qui circule dans la salle lors d'une conférence, eux autres vont avoir tendance à dormir. Alors, ils vont dormir et ils vont s'en aller, puis à un moment donné, tout revient clair et tout est doux. Ça aussi, c'est de l'écologie. Jusqu'au jour où la personne n'a plus besoin de dormir. Elle écoute. Pourriez-vous résumer d'une façon plus vulgarisée le sujet ? Très bonne conférence. Oui. L'homme, la femme sont sur la planète Terre pour une raison très particulière, permettent à ce que l'ego appelle Dieu de cesser de devenir homme. L'homme a comme fonction de sauver Dieu. Et Dieu a comme fonction de sauver l'homme. C'est-à-dire que malgré la philosophie spirituelle qui circule dans les psychologies humaines, qui fait dire, qui fait croire, qui fait penser à l'homme qu'il est une partie de Dieu, que Dieu l'aime, que lui doit aimer Dieu, et plusieurs autres mécanismes d'expression colorés de la réalité, l'homme arrive quand même dans ses expressions à avouer qu'il est utile à Dieu, à ce que lui conceptualise sous forme de Dieu. Tous les enseignements sont d'accord pour dire que l'homme a pour fonction de bloquer l'involution de Dieu, c'est-à-dire la sienne. Mais la psychologie de l'homme qui a été éduqué d'une façon médiocre, de façon à ce que l'homme se sente médiocre, empêche la psychologie donc de l'homme, cette même psychologie, de voir la teneur de ce qu'il dit. Lorsque l'homme dit « Dieu est partout », alors moi je dis « Il est en toi », oui. Il ne peut pas être qu'en toi s'il est partout. Il te constitue. Tu es. Alors là, l'ego qui dit « Dieu est partout » dit « Oh non, ça ne peut pas aller. Dieu est parfait et Dieu est partout. » Donc l'homme est parfait. Si l'homme n'est pas parfait, Dieu ne peut pas être parfait. Et l'homme n'est pas parfait actuellement dans la réalité de son expression. Potentiellement, oui. Les énergies de ce que l'homme va conceptualiser sous terminologie de Dieu. Mais moi, je parle de Dieu dans les cieux pour faire référence aux Nazaréens, et non pas de Dieu dans le ciel, ce que lui appelait lorsqu'il parlait du Dieu créé par l'homme, à l'image et à la ressemblance de l'homme, et de toutes les entités énergétiques d'une expression divine qui n'avait pas la possibilité ou le privilège de s'expérimenter dans la matière. On peut parler des archanges, on peut parler des anges, on peut parler des Melchisédek, on peut parler de différentes, entre autres, d'autres personnalisations d'énergie sans corps. On a vu dans la conférence « Pourquoi le mal existe » un peu la raison d'être de ce mal. Évidemment, on revient dans d'autres conférences pour expliquer un peu mieux. Mais la même énergie, lorsqu'elle passe à côté d'une corporalité humaine, d'un homme, d'une femme, elle frappe la matière, et si elle est arrêtée dans différents niveaux avant la matière, elle va créer des entités énergétiques qui, comme l'homme, auront la fonction de bloquer l'involution des énergies de Dieu. Et lorsqu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir une vibration comme celle de l'homme, ils vont essayer de s'accaparer de l'homme pour pouvoir eux aussi évoluer comme l'homme. En résumé, l'univers n'est pas une erreur, c'est une condition. Et dans cette création, il y a l'involution, c'est-à-dire tout ce qui tend à devenir matière. Et la matière est la plus basse expression de l'espace-temps de notre univers. Une fois que nous sommes matière, nous recommençons à retourner vers Dieu, vers l'endroit d'où nous sommes partis, mais pour le faire, nous devons nous asseoir sur des véhicules qui permettent l'expression de l'évolution. Le corps physique, le corps vital, la vie, le corps psychologique, le corps astral, la mémoire, l'émotion qui permet d'énergiser la mémoire planétaire, qui permet de nous créer un monde. Et dans cette énergie émotive, va naître l'éducation de l'homme, qui va permettre à l'homme d'oublier totalement sa venue, d'oublier totalement son origine, de façon à ce que celui-ci daigne bien vouloir expérimenter la matière, daigne bien vouloir expérimenter la souffrance matérielle et psychologique, de façon à constituer le véhicule le plus parfait pour que l'énergie supérieure vienne le chapeauter, vienne s'arrêter dans sa tête. Là, il va constituer un homme plus intelligent, plus brillant, qui va encore souffrir. Mais l'homme doit ignorer sa puissance, parce que s'il connaît sa puissance, il quitte instantanément le plan de la planète, éliminant par lui-même toute l'évolution qui a été nécessaire pour bloquer l'évolution des énergies divines. L'homme n'est pas seulement un dieu en potentiel. L'homme n'est pas seulement un dieu en devenir. L'homme est un dieu plein, potentiellement plein, donc une énergie hautement intelligente, mais qui, dans la forme d'expression qu'il doit employer pour l'instant, ne peut pas exprimer cette intelligence. Ne pouvant exprimer cette intelligence, il s'est constitué une intelligence pour lui permettre d'oublier sa réelle naissance, celle des plans divins. L'intelligence que l'homme s'est constituée a été l'ego de l'homme, a été le phénomène émotif de l'homme, le désir chez l'homme, la mémoire chez l'homme, qui lui permet, lors de l'expérimentation, d'accumuler sa vie, d'accumuler son passé, lui donnant l'impression qu'il vit. Parce que l'homme, présentement, ne peut pas savoir réellement tout ce qui constitue sa présence sur la planète Terre, parce que le sachant, l'ego voudrait obligatoirement sacrer son camp. Pour que la personnalisation de l'intelligence divine chez l'homme s'accomplisse, l'ego doit plier le genou. C'est-à-dire que l'ego doit se mettre à genoux devant l'énergie intelligente, donc devant Dieu. Et cet ego, ce n'est pas l'homme en général, c'est-à-dire que ce n'est pas l'homme au complet, c'est une partie de l'homme. C'est la partie des désirs, de l'émotion, des mémoires, qui doit s'effacer. Et c'est pourquoi aussi, dans l'antique religion, on enseignait à l'homme qu'il devait craindre son Dieu. Votre ego doit craindre votre mental. Et on enseignait à l'homme aussi qu'il devait faire la volonté de son père et non pas la sienne. Votre ego doit faire la volonté de votre mental. Qui pourra être en contact avec l'énergie supramentale, mais ne doit pas faire la sienne. Ça encore, ce sont des palabres. C'est-à-dire que chez l'homme ancien, il n'a pas suffisamment d'énergie mentale pour se constituer une intelligence d'action. Il n'a pas encore la faculté d'être totalement conséquentiel. Alors, il voyage encore sous le véhicule de l'ego. L'homme transitif est un être qui est en train de constituer une nouvelle forme d'homme qui a déjà été exprimée par Salomon. L'homme commence à avoir un cœur intelligent. Et lorsque l'homme a un cœur intelligent, il se rapproche de l'homme nouveau. Et cet homme nouveau, c'est une autre facette du frein d'involution des énergies divines. Vous êtes le commencement et la fin. Vous êtes le début de l'origine du monde et vous êtes la fin de l'expansion de l'univers, le corps physique. Mais cette origine doit pouvoir être placé sur les différents véhicules qui vont jusqu'au fin fond du monde, la matière, le corps physique, le corps vital, le corps astral, le corps mental et les autres corps supramentaux qui est en train d'être constitué au niveau planétaire jusqu'à la source première, le corps divin. Ça, ça se fusionnera et le mécanisme d'utilité de l'homme sera fini. L'ego, lorsque je dis ceci, se dit « Oui, mais une fois que tout ça est fait de bord, une fois qu'on est devenu Dieu, on a l'air de quoi? On s'est fait fourrer. J'aime autant rester homme puis pas vouloir devenir Dieu. Parce que tant que je suis homme, je vis, je suis présent, je sens, je goûte, je peux connaître le bonheur. Et ce qu'il oublie, c'est qu'il peut connaître la souffrance, peut connaître le malheur, il peut sentir des choses qu'il ne veut pas sentir. Tout ça fait que malgré que l'homme veut rester homme, l'antipode de l'homme planétaire, la souffrance, qui fait que l'homme veut évoluer pour ne plus souffrir, oblige l'homme, veut pas un jour, à devoir mourir égoïquement, mourir dans un corps physique vivant. Ça, c'est très important. Lorsque l'homme perd son corps physique, il va devoir revenir dans un corps physique. Mais l'homme se doit se mettre au monde de son vivant. Lorsque l'homme est capable, l'homme égoïque, lorsque l'ego est capable de mourir du vivant du corps pour que l'homme nouveau naisse, l'homme devient stérile, la femme devient stérile parce qu'elle n'a plus besoin de se reproduire, parce qu'elle n'aura plus besoin de mourir. Mais lorsque l'ego veut l'éternité du corps physique, il ne l'aura jamais, parce que c'est l'ego lui-même qui, accumulant bagage de mémoire sur bagage de mémoire, cristallise la forme du corps physique, empêchant l'énergie vitale, la vie, de circuler librement pour énergiser les cellules et l'atomicité du corps, obligeant celui-ci à mourir. L'homme n'est pas médiocre, l'ego de l'homme est médiocre, et le rôle, la fonction de l'homme, c'est la même que celle de Dieu dans la constitution de notre univers, celle de réparer ce qui a été fait. Ça n'a pas été une gaffe. On a déjà parlé de la chute de l'homme sur le plan planétaire, du rôle de Lucifer à l'intérieur de ça. On va aussi y revenir plus tard. Mais il n'y a pas d'accident comme tel. Lorsque tout sera revenu comme cela doit être, faites-vous-en pas. Vous aurez une conscience suffisamment ample pour continuer à apprécier ce qui se passe, mais d'une façon différente de celle qui, présentement, anime la conscience de l'homme. Une petite question pour faire joli. Est-ce qu'on n'assiste pas en ce moment à une espèce d'accélération de l'évolution? Je m'explique. Il aura fallu 4 millions d'années pour passer de l'homme des cavernes à l'homme des casernes. Et ensuite, seulement un siècle pour passer de l'homme des casernes à l'homme des tavernes. Est-ce qu'on peut assister... De l'astralopithèque au mentalopithèque? Je lui pose la question annuellement. Alors pour 86, t'es libéré, là. Je veux voir un peu quelle différence il peut y avoir dans tes réponses au fur et à mesure que les années s'écoulent. Est-ce qu'on assiste à une accélération de l'évolution aujourd'hui? Premièrement, on n'assiste pas, c'est-à-dire qu'on assiste à une accélération si on compare quantitativement le temps nécessaire au véhicule biologique d'être instauré sur le plan planétaire, aller jusqu'à maintenant, où on va pouvoir voir la naissance d'un corps supramental. Quantitativement, il y a une accélération d'évolution, tandis que qualitativement, il n'y en a pas. Et au niveau de la précipitation que l'homme pourrait faire, ça ne se fait pas non plus. Les choses se font comme elles sont. La vibration ralentit, et le corps matériel peut comporter une infinité de plans vibratoires et ça reste de la matière. Au niveau vital, ça en comporte, mais moins. Alors, ça prend moins de temps à le constituer. Au niveau astral, ça en comporte encore moins. Et au niveau mental, ça en comporte moins, parce que si on regarde l'énergie mentale, comment elle a été constituée, la Deuxième Guerre mondiale a collectivé l'énergie mentale, et présentement, donc quelques 45 ans après, on est déjà à la phase de l'énergie supramentale, qui sera vécue d'une façon collective, dans un temps beaucoup plus rapide, que la phase mentale a été vécue collectivement. Par contre, l'énergie mentale chez l'individu a pris naissance avant même la venue du Nazaréen. Alors, l'énergie supramentale dans l'individu, disons, non pas dans la collectivité, prend naissance présentement, et dans le temps, ça sera accéléré, mais collectivement, ça ne prendra pas 10 ans avant que la planète Terre soit dans ce niveau d'énergie. Lorsque l'homme, moi, ça l'a pris beaucoup de temps à créer mon corps physique. Ça l'a pris des milliers d'années, et même des millions d'années, à constituer ma molécule physique. La tienne aussi, et d'ailleurs celle de l'Assemblée ici. Mon énergie vitale, ça l'a pris beaucoup moins de temps, et ça l'a pris encore des millions d'années. Mon énergie psychologique, ça l'a pris moins de temps, ça l'a pris quelques milliers d'années. Mon énergie mentale, ça l'a pris quelques milliers d'années, mais on parle de presque millions d'années dans les milliers d'années, là on parle de 2 000 à 3 000 ans pour mon énergie mentale. Mon énergie supramentale, ça leur a pris quelques centaines d'années, pour moi. Et pour la majorité d'entre les personnes qui sont ici, c'est un peu la même chose. Biologiquement, je suis la descendance génétique de l'humanité, à partir des larves qui se promenaient sur la Terre blanche de Québec ésotérique tant, donc il y a cela, des milliards d'années. Vitalement, je viens après. Astralement, je viens après, on parle de Lémurie, disons, et même de l'Atlantide. Mentalement, on parle surtout des continents, disons, de la race aryenne, de la race blanche. Supramentalement, c'est débutant ici, mais ça prend moins de temps quantitativement. On va vers une pyramide. Mais l'humanité complète, la planète Terre, elle, passe par le même phénomène. Mais si on dit, est-ce que l'énergie supramentale sera collective dans 10 ans? Moi, je peux te dire qu'elle sera collectivée, disons que l'ensemble même des humains seront rendus à cette phase supramentale, donc on parle de l'Inde, on parle de tous les pays, dans quelques, pour pas trop être agressif, quelques milliers d'années encore. Sauf que dans certaines régions, on aura une connaissance supramentale, au niveau du Québec ésotérique surtout, dans quelques 40, 50, 60 et même 100 années. Et ces personnages-là auront comme fonction de finaliser l'évolution énergétique des phases évolutives de l'homme sur le reste de la planète. Et les réponses sont de plus en plus élaborées au fur et à mesure que les années s'écoulent. Veux-tu me parler? Là, tu vas répondre non, oui. Non, ce qui veut dire que le public évolue. Il y a plusieurs questions en rapport avec le phénomène de la réflexion créée par les pensées. En tant comme transitif, comment tu expliques ça là? Réflexion de la pensée dans l'homme. Comment dit, est-ce que dans le surhomme ou l'homme supramental, est-ce qu'il va y avoir encore ce phénomène de réflexion de la pensée? Oui. Il faudrait peut-être l'expliquer, peut-être d'abord. Exactement, ce qu'on va faire. Bon. La réflexion chez l'homme, quand l'homme réfléchit, on a vu dans une conférence que, et on va le réexpliquer, mais disons, de façon peut-être plus élaborée et simple. Présentement, la majorité d'entre vous ne pensez pas. Maintenant que je viens de le dire, la majorité d'entre vous pensez. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement qu'il y a quelque chose qu'on appelle la conscience de l'homme, qui est un réceptacle, qui est un endroit qui est capable de filtrer, de retenir des énergies. Ces énergies retenues peuvent être la mémoire, peuvent être aussi l'extérieur, peuvent être aussi les énergies supramentales, dans le cas qui nous intéresse. L'énergie supramentale étant la plus évoluée des expressions des énergies divines pour l'instant, dans le contexte de l'homme. Votre conscience, il n'y a rien dedans. Et soudainement, cette conscience a la propriété de réfléchir des mémoires chez vous. Quelle mémoire? Quelque chose que vous n'aimez pas. Quelque chose que vous aimez. Cette réflexion de mémoire dans votre conscience crée un stimuli qui va être constaté par l'ego. Alors, vous allez haïr ce à quoi vous pensez ou vous allez aimer. Alors, à un moment donné, vous êtes couché, puis ça réfléchit. C'est-à-dire que votre conscience réfléchit et sur la surface de la conscience, on voit l'image réfléchie ou la pensée. Et l'ego peut lire ça. L'ego en a conscience. Alors, ce qui fait que vous êtes couché, vous faites une pensée à l'accident que vous avez eu hier. Ça revient, puis vous la revoyez, puis vous n'arrivez pas à le chasser. Votre conscience, elle réfléchit ce qui passe. Et l'homme pense qu'il pense, en ce sens que l'énergie qui passe est réfléchie. Si l'homme axe sa conscience, on va encore d'une façon allégorique, sa conscience, pour arriver à réfléchir à quelque chose d'autre, il peut réfléchir des énergies qu'il va aimer. La faculté qu'a l'homme de transformer sa conscience, parce que l'homme a la faculté de la transformer, s'appelle l'imagination. Mais l'imagination de l'homme peut lui permettre d'imaginer dans ses mémoires, elle lui permet d'imaginer de l'irréalité parce qu'il sera relié aux mémoires extérieures à lui, mémoire astrale planétaire, et ça peut aussi lui permettre d'imaginer la réalité. Il y a une porte de fermée devant vous, vous imaginez ce qu'il y a l'autre bord. Mais imaginer la réalité est aussi possible que d'imaginer ce qu'il n'y a pas l'autre côté. Sauf que l'homme se fie plus à son expérience, et l'homme doute un peu son expérience, sauf si l'expérience entraîne chez lui la peur. Il pourra énergiser sa peur de l'autre côté de la porte. Lorsque l'homme axe par l'imagination, et c'est très important ce mot, la concentration et la faculté de conserver l'imagination dans un axe particulier, c'est-à-dire que la concentration et la faculté de conserver la conscience dans une réflexion particulière. Et lorsque la conscience peut cheminer comme un vieux singe d'arbre en arbre, la pensée de l'homme s'en va du coq à l'âne. Lorsque l'homme est capable de brancher son imagination sur des concepts plus énergétiques, sur sa foi, sur la spiritualité, il va donc automatiquement réfléchir ce plan astral planétaire, ce ciel. Le réfléchissant, l'homme réfléchit, dans le terme psychologique, à Dieu, à la paix, à l'évolution, à l'amélioration, à l'altruisme, à l'aide. Et si l'homme peut, par l'imagination, non pas sous l'assujettissement de sa mémoire, il y a deux formes d'imagination, celle réglée par la mémoire, celle réglée par la perception de la réalité. Si l'homme est capable, encore une fois, de placer son imagination, mais là, ce n'est plus la concentration qui sera nécessaire, ce sera l'attention. Dans un autre angle, automatiquement, il réfléchit les énergies supramentales. Alors l'homme ne réfléchit plus dans le sens François me demandait, est-ce que l'homme supramental, l'homme nouveau, le surhomme, va penser? De quelle façon sera sa pensée? Elle ne sera pas mémorielle et elle ne sera pas mémorisable par celui qui va la réfléchir. Alors l'homme va continuer à réfléchir, mais l'homme ne pensera plus. La pensée, c'est la faculté qu'a l'homme, par l'imagination et la concentration, de réfléchir de ses mémoires pour les adapter à la réalité. C'est la pensée. L'homme peut penser philosophiquement, l'homme peut penser artisanalement, l'homme peut penser scientifiquement, l'homme peut penser haineusement. Tandis que l'homme nouveau continue sa réflexion, il réfléchit l'énergie supramentale, ce qui va énergiser la plaque, la conscience. Énergisant la conscience, l'homme va, par l'attention, être attentif on le voit dans le séminaire, c'est être concentré sur tout. Puis être concentré, c'est être attentif sur une chose. La conscience de concentration, elle est locale. Attentif sur une chose. Je suis concentré sur ça, le reste disparaît. Mais la concentration, disons, de l'homme nouveau, c'est l'attention. Il est concentré sur tout. Il a donc une conscience étendue. Il va continuer à réfléchir, mais qu'est-ce qui va diriger sa réflexion? Ce sera son attention, la perception qu'il aura de l'univers autour de lui. Donc, il pourra réfléchir que ce qu'il aura besoin de réfléchir. C'est-à-dire qu'il saura ce qui sera nécessaire qu'il sache. Et ce n'est pas son ego ou ses mémoires dirigeant à la concentration qui vont faire qu'il va réfléchir pour se sécuriser. Il ne se posera pas de questions. Lorsque quelque chose va se passer, automatiquement, il aura la réponse. Et c'est ce qui fait la différenciation, disons, de la conscience nouvelle chez l'homme, de la conscience ancienne chez l'homme. Comment l'astral s'y prend-il pour nous manipuler suffisamment pour faire baisser notre taux vibratoire de l'homme? C'est quoi ce phénomène-là? Comment ça fonctionne? Bon, l'astral, pour les personnes, disons, qui ne sont pas habituées à ce mot, ça n'a rien à voir avec les astres, du moins pas dans de la forme astronomique. L'astral, c'est la conscience planétaire, l'astral, c'est le ciel du Nazaréen. L'astral, c'est l'émotivité. Chaque fois que l'homme vit quelque chose, cela s'inscrit, perturbe l'extérieur, et cet extérieur perturbé a la faculté d'être réfléchi par l'homme. Donc, il a donc la faculté de manipuler l'homme. C'est-à-dire que comment l'homme est-il manipulable? L'homme est manipulable par ses pensées. On parle d'un homme... qu'on a lavé le cerveau, bien brossé, bien shiné, un zombie, un mort vivant. Alors, c'est des morts manipulent son corps physique. L'homme est manipulable par sa pensée. Pourquoi? Parce que l'homme pense qu'il pense. C'est-à-dire que l'homme accrédite ce qu'il pense. Et lorsque l'énergie chez l'homme accrédite ce qui est réfléchi par l'homme, parce que vous allez voir, vous allez découvrir à un moment donné chez vous que vous allez avoir cette faculté de discerner ce qui est réfléchi écologique, ce qui est réfléchi non écologique. Ce qui est réfléchi qui sert l'ego, ce qui est réfléchi qui est utile à l'ego. Et c'est pas pareil. L'ego a une fonction et des choses sont nécessaires pour qu'il puisse accomplir cette fonction. Mais lorsque l'ego veut être servi, lorsque l'ego veut devenir le maître, c'est pas pareil. Et l'homme va discerner l'astral, donc les mémoires extérieures, mémoires d'événements, mémoires d'émotions, mémoires de réflexion, donc de coloration, vont faire en sorte que vous allez être capable de réfléchir la réalité dans votre conscience, donc d'être conscient de la réalité, mais en même temps, vous allez être capable de réfléchir vos mémoires, donc de colorer votre perception de la réalité. Vous êtes conscient de la réalité, mais vous n'aimez pas la réalité. C'est-à-dire que sur le plan de réflexion, dans votre conscience, la réalité est réfléchie de même que ce que vous auriez aimé qu'elle soit. Discernant les deux, vous comparez. Comparant, vous risquez d'être malheureux ou d'être heureux. C'est-à-dire que l'ego s'identifiant totalement à sa conscience, et c'est d'ailleurs pourquoi il a peur de mourir, s'identifiant totalement à sa conscience, ce qu'il y a d'important chez lui, c'est cette conscience. Mais cette conscience réfléchit ce que lui appelle penser. C'est quoi la différence entre réfléchir et penser? La pensée, c'est la même chose que la réflexion, sauf que l'ego pense parce qu'il croit qu'il génère lui-même ce qui est réfléchi dans la conscience. Tandis qu'en réalité, ce qui est réfléchi est réfléchi, vient de l'extérieur, il ne le crée pas. Lorsque l'homme dit « je pense », il veut dire « je crée ce qui apparaît dans ma conscience ». Alors qu'en réalité, l'homme ne peut pas créer ce qui apparaît dans sa conscience, l'homme ne peut que le réfléchir. Lorsque l'ego s'identifie à sa conscience, vous identifiez à votre conscience. Ce que vous ne savez pas ne vous rend pas malade, ne vous rend pas malheureux, ne vous rend pas heureux. Pourquoi? Ce n'est pas dans votre conscience. Ce qui est réfléchi a de l'importance pour l'ego, plus que tout ce qui pourrait être réfléchi. Cela veut dire que l'illusion psychologique de l'homme a plus d'importance que la réalité. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est réfléchi. Alors l'homme réfléchit l'extérieur, la réalité, il prend ça dans ses mémoires. Et il découvre des choses qui lui plaisent et des choses qui ne lui plaisent pas. Vieillissant, l'homme préfère faire réfléchir ses mémoires dans sa conscience que de continuer à faire réfléchir la réalité. Alors l'homme vieillissant se rappelle du bon vieux temps et il aime ça et ça lui donne du pep. Il revient en arrière. Il compare son passé. Pourquoi? Parce que dans sa conscience, ce qui revient de la mémoire a plus de goût pour lui et la réalité, il n'en veut pas. L'homme ne veut percevoir la réalité que pour se sécuriser, mais pas pour jouir avec. Il préfère se créer un monde illusoire, un monde d'artiste, un monde spirituel, un monde qui n'a pas de valeur matérielle et là, il sera heureux. Faites une promesse à un homme, il sera heureux. On peut rendre quelqu'un heureux par la parole. Pourquoi? Parce qu'on fait susciter, on fait revenir dans ses mémoires des choses qu'il ne se rappelait pas, ou on incruste par l'éducation de nouvelles mémoires. Et l'homme, s'identifiant à sa conscience, vénère cette conscience. Vénérant cette conscience, il la braque vers le passé. Parce que il va essayer de faire réfléchir des choses qu'il a aimées du passé. C'est plus sûr. Parce que la réalité qui est réfléchie n'amène pas nécessairement ce que l'ego veut. Dites de temps en temps oui, de temps en temps non. Mais le passé devrait toujours amener ce que l'ego veut. Mais l'ego, se créant ce monde d'illusions, ne peut faire autrement que de se rendre compte qu'il vit dans un monde matériel, qui lui rappelle inlassablement qu'il vit de l'actualité. Même si dans sa conscience, il ne veut conserver que les bonnes choses du passé, sa mémoire. Alors donc, l'homme est manipulable parce que se braquant sur les mémoires qui circulent viennent se refléter sur sa conscience et l'homme pensant qu'il pense, se dit « je pense à ceci, je pense à cela, j'aurais aimé ceci, j'aurais aimé cela. Pourquoi ceci n'a pas été comme j'ai voulu? Pourquoi ai-je fait ceci? Pourquoi n'ai-je pas fait cela? » Mais si l'homme braque sa conscience vers la réalité, il garde l'émotion, il garde une émotion pure, il aime la réalité, parce qu'il ne peut plus la comparer à ce qu'il a vécu. Donc, il est capable de réfléchir en même temps que la vie, au lieu de réfléchir la mémoire de la vie. L'homme est manipulable pour la simple raison qu'il accrédite plus ses mémoires que la réalité. Et c'est normal parce que l'homme égoïque, l'homme ancien, vénère sa conscience. Je suis conscient. Je veux qu'on me laisse dans ma conscience. Je veux développer ma conscience pour avoir une surface plus grande de réflexion, pouvoir encore mieux jouir. Mais la conscience, même si présentement elle sert à cette jouissance, ou à cette recherche ou à cette démarche, elle tend lentement à être braquée par les énergies intelligentes vers les énergies intelligentes. On a parlé de concentration puis d'attention, mais là, il y a une question qui est intéressante. On te demande, c'est quoi le phénomène de la distraction? Pourquoi sommes-nous distraits? La distraction, c'est une concentration éparpillé. Ce sont des mécanismes, encore une fois, que l'on touche beaucoup dans le séminaire. j'en parle pour la simple raison que si une personne veut savoir des choses, si on est bref en conférence, on ne l'est pas autrement. Lorsqu'une personne est distraite, c'est qu'elle se concentre sur une chose, immédiatement sur une autre chose, immédiatement sur une autre chose, immédiatement sur une autre chose, mais elle est concentrée. Tandis qu'elle n'a pas la faculté de rester concentrée sur cette chose, sur cette chose, sur cette chose, sur cette chose. Si son changement de concentration se fait à une vitesse reliée au temps psychologique ou au temps mental, matériellement, ça va trop vite. Alors, elle a la pensée qui ne passe à rien. Elle est là, puis il se passe de quoi, mais sur le plan de conscience, elle ne voit rien. Parce que la conscience est exprimée par le système neuronique de l'homme dans la matière vitale et physique, le système, le cerveau. Lorsque la personne elle est distraite, c'est simplement parce que sa concentration n'est pas capable de rester fixée sur une seule forme d'énergie. Autrement dit, sa conscience gire dans son marasme de mémoire ou le marasme de mémoire extérieur à elle, et elle n'arrive pas à arrêter une énergie quelconque. La personne, elle est distraite, approchez d'elle, criez, bien fort. Elle ne sera plus distraite. Elle ne pensera peut-être plus à ce qu'elle veut faire, mais elle sera revenue chez elle. Vous allez avoir arrêté sa perturbation de conscience, le cheminement incontrôlé de sa conscience dans ses mémoires. Et là, ben là, concentre-toi là-dessus. Ben, je peux pas, mais là, elle est déjà concentrée. Il y a moyen de reprendre une personne pour qu'elle puisse se brancher. Les professeurs font ça souvent avec les élèves, sauf qu'ils utilisent une grande baguette. Je ne sais plus aujourd'hui, mais disons à l'époque. Alors, ils arrivent sournoisement à côté de toi, mais toi, tu es concentré sur ton cornet. Dans la lune, que ça t'appelle l'énergie lunaire. Et là, bang, tu reviens. Tu irais totalement concentré sur les dangers d'être à l'école. Il y a des moyens de ramener, de développer cette concentration, sauf que si on regarde, par exemple, au niveau du PMC, on ne développe pas la concentration. On travaille sur l'attention. Si tu es attentif, tu ne peux pas être concentré d'un point à l'autre, ce qui fait que veux, veux pas, tu ne peux pas être perdu. Mais tu es capable aussi de faire plusieurs choses à la fois. Et tu es capable aussi d'écouter la télévision et quand quelqu'un vient de parler, tu dis pas moi. Là, il s'en va frustré parce que tu l'écoutes pas. Hein? Les pères font souvent ça, leurs enfants. Alors, tu es capable d'écouter la télévision, de jaser avec. Tu es capable de, si ton égo ne veut pas perdre rue des pognons, des pignons, il n'y a pas de problème. Alors, tout va bien. Lorsque l'être est attentif. Alors, la distraction, ben, c'est ça. C'est simplement une concentration sur un milliard de choses en même temps parce que la conscience chemine dans les mémoires sans s'arrêter sur rien. En criant, en faisant peur, en disant que j'ai gagné un million, il y a plusieurs moyens pour que ceci se branche immédiatement sur ce que l'extérieur lui apporte. Se branchant sur l'extérieur, il fera référence automatiquement à des choses intérieures, donc il sera concentré. Et suite à cela, il pourra peut-être cheminer vers ce qu'il veut faire. Une personne te demande d'expliquer un phénomène qui lui est arrivé. À l'âge de 14 ou 15 ans, donc, il m'est arrivé de me réveiller en pleine nuit et de voir au loin dans le noir un point lumineux qui avançait très vite comme un train qui fonce sur soi et est suivi d'un son perçant. Je ne sais pas s'il a été écrasé. La première fois que moi j'ai vécu ce genre d'expérience, j'étais sur une plage qui s'appelle Tilapa. Effectivement, personne là. Et cette plage qui est sur la côte pacifique du Guatemala, totalement déserte, totalement vierge, des cocotiers, tout ce qu'il faut, la mer, le Pacifique. Et il y a quelques indigènes qui vivent dans certains petits villages de 30-40 personnes, puis on a presque 20 000 entre eux. On peut marcher avec personne dessus. Et un soir que je me promenais à la pleine lune, j'ai effectivement vu un train. Et c'était pas la vitesse d'un train, avec le faisceau, qui me fonçait dessus avec le criard du train et tout ça. Jusqu'au moment où j'ai pu être suffisamment lucide pour crier que ça se pouvait pas. Ça a disparu. Qu'est-ce qui se passait? Ben, il se passait simplement que... C'est une question qui, encore là, va demander une explication peut-être laborieuse pour certains, mais disons que si la personne pose cette question, on va répondre pour elle. Dans la mémoire de réflexion, il y a ceci. Lorsque l'homme réfléchit, il a une conscience mémorielle. Mais sachez que dans la mémoire est enregistrée l'image. Chez certains, la couleur. Mais pas chez tous. Chez certains, les sons. Chez certains, les odeurs. Chez certains, les contacts tactiles. Et chez certains, tout ça au complet. En réalité, tout ça est enregistré, mais tous n'ont pas la même capacité de faire réfléchir ces stimuli. Normalement, on réfléchit le son, la voix et l'image. Mais jusqu'à certains points, l'homme peut être capable, d'une façon réveillée ou d'une façon endormie, le rêve d'ailleurs est une réflexion inconsciente, de différents mécanismes dans l'astral planétaire. L'homme fait ce que, occultement, on appelle un voyage astral, qui, ésotériquement, est une extra-conscientisation astrale, parce que l'homme ne voyage pas comme tel. Bon. La conscience cheminant, la personne est capable d'avoir une réflexion, mais tellement impeccable, d'un mécanisme qu'elle a vécu ou qu'elle n'a pas vécu, mais qui existe, tellement impeccable qu'elle n'aura pas besoin de ses sens biologiques pour pouvoir colorer, imprimer sa conscience aussi clairement. Cela veut dire que ce qu'elle voit ne parviendra pas à sa conscience. Ce n'est pas nécessaire. La mémoire avec laquelle elle est connectée, chez elle ou à l'extérieur, est tellement bien réfléchie dans sa conscience qu'elle n'a plus besoin de ses yeux pour voir clair. Elle voit clair. Mais l'ego expérimentant le fait que lorsqu'il voit clair dans sa conscience et par le biais de ses sens, il s'imagine automatiquement qu'il le voit par ses sens. Alors il regarde, ça vient, ça fonce, il l'entend, il se bouche les oreilles, il l'entend encore, aussi fort. Et c'est là, justement, que l'ego devrait prendre conscience que ça n'a pas rapport. Ferme les yeux, il voit aussi clair. L'ego peut quand même arriver, lorsqu'il ferme les yeux, à différer sa conscience. Ce sont des pièges. Plus souvent qu'autrement, la personne, elle a beau bouger, grouiller, faire n'importe quoi, ça persiste. Et ça a une texture d'authenticité. Alors, ce qui se passe, c'est une réflexion beaucoup plus parfaite du monde astral, c'est-à-dire que la personne faisait un voyage astral réveillé, placé dans un contexte particulier, celui d'une lumière, par exemple, qui pouvait être la lumière d'un train, d'un bateau, d'un auto, qui pouvait être aussi simplement une lumière qui était véhiculée par le plan de sa conscience, de son astral, et la personne avait donc l'impression de vivre un mécanisme qui n'est absolument pas dangereux pour le corps physique, mais qui peut être dangereux pour l'ego parce qu'il incruste une expérience dramatique, traumatisante chez l'ego. Lorsque l'homme comprend ses mécanismes, il regarde le train passer. Il marche à gomme. Dans la vie, c'est souvent comme ça. On fait des expériences douloureuses et puis on se demande quand est-ce qu'on va voir le bout du tunnel. Un beau jour, on aperçoit une lumière, on se dit, ça y est, on voit la sortie. Puis là, c'est le train qui arrive. C'est ça. Ici, on te dit conférence très, très complète. Pourrais-tu expliquer, par rapport à l'échelle vibratoire que tu as définie au début, là, où tu places les qualités de l'âme? L'âme se situe où, par exemple, entre la matière et l'esprit là? Oui. L'âme se situe dans un plan vibratoire qui est strictement relié au contexte planétaire. À l'extérieur de la Terre, il n'y a pas d'âmes qui vont être créées. Étant donné que l'âme de l'homme a une enveloppe qui, ésotériquement, porte le nom de périsprit, l'homme est capable de quitter l'espace terrestre et de conserver ses mémoires et son âme. Mais, évidemment, il aura une perturbation réflexive différente de ce qu'il aura sur la Terre. La qualité vibratoire de l'âme, elle est dans un plan qui est légèrement en delà de l'énergie mentale de l'homme et totalement au-dessus de l'énergie égoïque, orgueilleuse de l'homme. Cela veut dire que l'âme spirituelle, si c'est cette âme que la personne veut parler, se trouve dans un plan qui peut permettre à celui qui réfléchit cette énergie d'entrer en contact avec une énergie mentale qui pourra par la suite lui permettre d'entrer en contact avec l'énergie supramentale. Mais l'énergie supramentale a pour fonction intégrale de venir instruire l'âme de façon à ce que l'âme accepte de mourir, de disparaître, d'éclater pour donner naissance à une âme, si on peut dire, supramentale qui ne pourra pas vivre dans le contexte planétaire. L'âme de l'homme est ce qui permet à l'ego d'être. C'est ce qui permet le plan de conscience psychologique d'apparaître. Et dans l'âme de l'homme peut être réfléchie l'énergie spirituelle, l'énergie orgueilleuse et toutes les autres formes d'énergie. Il faut comprendre aussi que l'énergie même de l'âme peut vibrer à un point beaucoup plus bas que ceux que j'ai énumérés, vibrer à un point presque vital, à un point qui frôle la matière. Et là, on a accès à une âme que certains vont appeler maléfique, matérielle, diabolique, une âme qui est beaucoup plus basse. Et entre ces niveaux énergétiques, entre l'énergie vitale et l'énergie mentale, l'âme existe et l'âme va permettre à l'homme, selon son cheminement, d'éliminer, de détruire les parties vibratoires trop matérielles de sa propre personnalité, de façon à créer une énergie beaucoup plus libérale qui comprendra les mécanismes de l'évolution, qui comprendra aussi la recherche d'un Dieu, c'est-à-dire qui permettra à l'ego d'accepter que quelque chose de supérieur à celui-ci puisse venir l'aider. Donc, on rentre dans le contexte de la religion. C'est tout à fait normal, bénéfique, intelligent. Mais lorsque l'énergie vient chercher l'homme, lorsque l'énergie de Dieu, ce que l'ego recherche, traverse la couche de l'âme, elle instruit l'ego que tout ça devra disparaître. Parce que tant qu'une limite, même si on l'appelle l'âme, existe entre l'ego et ce que celui-ci appelle Dieu, tout cela ne peut pas être ce Dieu. Lorsque ceci éclate, que tout ça disparaît, automatiquement, tout ça devient ce que l'ego recherche. Alors l'âme se situe donc entre l'énergie mentale. Elle n'est pas plus stupide. Faut qu'on fasse attention. On a des personnes qui sont hautement intellectuelles. Ils ne sont pas mentales. Ils ne mentalisent pas, ils intellectualisent. Et dans leurs âmes, l'intellect est inclus parce que l'intellect, c'est la faculté qu'a l'âme, qu'a l'ego, de manipuler l'énergie mentale naissante de façon à nourrir en information l'ego. Ça donne l'impression à l'ego qu'il devient intelligent. Si l'univers contenant les supra-univers est à la limite de son expansion et que notre système solaire en est à la périphérie, alors lorsque l'homme aura terminé son travail dans la matière, cet univers disparaîtra et par conséquent l'espace-temps aussi. Où sera alors l'homme divinisé? Alors, ça aussi, c'est des promesses que je fais depuis 2-3 conférences. Alors, ce soir, j'ai expliqué des choses que je promettais depuis 1 an et demi. On va revenir sur cette, comme on dit la semaine dernière, il y a un endroit où il y a des choses qui n'existent pas. Et même cet endroit n'existe pas, parce qu'il n'en a pas le temps. Bon, mais c'est là. Ça va être là. Là-haut, tu as essayé avec le non-existant. Et on en a fait quelque chose d'existentiel. Alors, présentement, moi, je ne recommencerai pas, disons, à mettre des mots sur quelque chose qui ne peut pas, comme tel, être contenu dans un mot. Plus tard, possiblement, on va quand même faire l'expérience de l'explication, non pas moléculaire et scientifique plate, comme on l'a fait ce soir, disons, de la création, étant donné que là, il n'y a ni molécule ni rien. Alors, ce soir, je ne veux pas répondre pour la simple raison que il y a beaucoup de chemin à faire avant d'arriver à l'utilité d'expliquer ceci. Bon, le chemin du ciel. Pourquoi le ciel est-il bleu? Pourquoi bleu? Pour la simple raison que, évidemment, lorsqu'on regarde le ciel, on voit la réfraction de la lumière sur la couche atmosphérique qui permet un réfléchissement, surtout d'énergie bleue et ultraviolette, qui crée ce ciel bleu. Lorsque l'axe de la Terre par rapport à la lumière du Soleil change, donc lorsque le soir ou le matin arrive, la réfraction de la lumière blanche solaire qui contient tout ce degré d'évolution, donc tout ce degré énergétique, est réfléchie différemment. Alors on va voir le rouge, l'oranger, on appelle ça un beau lever de soleil, un beau coucher de soleil. On a donc d'autres formes d'expression vibratoire. Religieusement, on dit, comme tout à l'heure disait François, que l'enfer est rouge et infernal, où on a le feu, et que le ciel, on garde l'idée du ciel bleu. Parce qu'on a toujours, sur le plan planétaire, fait une référence à la lumière pour parler de l'évolution de l'homme. Alors on parle, j'ai eu une lumière, j'ai vu une lumière, j'ai vu la lumière de Dieu. La lumière qui est une référence assez bonne de ce que c'est l'évolution de chaque plan. Alors, dans le plus haut degré de la lumière vibratoire visible à l'homme, on a le bleu, le violet et l'ultraviolet. Et sur la couche atmosphérique, ce rayonnement transparaît surtout sous forme de bleu ou blanc, mais un blanc bleuté. Alors donc, c'est la plus haute expression vibratoire dans le plan perceptible par l'œil humain de la lumière. Donc, le ciel est ce qui a de plus évolué et le ciel est bleu. Tandis que l'enfer devient rouge, infernal et chaud, l'infrarouge lumineux. Ce que dans l'ordre disait François. Alors, c'est pourquoi on dit que le ciel est bleu. Maintenant, je fais référence souvent à ce que le Nazaréen disait lorsqu'il parlait du ciel et lorsqu'il parlait des cieux. Le ciel, c'est ce que nous avons au niveau planétaire. Il comprend quatre plans, le plan matériel, vital, astral et mental. C'est le ciel. Et les cieux comprennent trois plans. Le plan christique, supramental, le plan bouddhique, le plan divin. Pour prendre des terminologies. Alors donc, le ciel, les cieux n'ont jamais été colorés. Tandis que le ciel est bleu. Sauf dans une chanson où le ciel est vert et l'herbe est bleue. Hein? Si une personne qui pose une question en forme de prose, elle fait des vers sans en avoir l'air, c'est la première fois que j'entends un conférencier ésotérique être aussi technique, c'est fantastique. Après l'atteinte de tous les plans énumérés, l'homme restera-t-il toujours conscient de son état d'être? L'homme ne restera pas toujours conscient de son état d'être, parce que pour la première fois, l'homme sera conscient de ce qu'il est. Tandis que présentement, il ne l'est pas. Il a une impression, une illusion, où il s'est créé une conscience de lui-même. Alors, ce sera extrêmement différent et beaucoup plus que ce que l'homme vit là. L'expliquer, c'est plaire à l'ego, et c'est instruire l'ego pour que celui-ci puisse recréer dans sa propre conscience ce qu'il vivra lorsqu'il ne sera plus. Alors, pour la première fois, l'homme sera conscient. La rencontre des énergies supérieures a créé l'homme. Maintenant, pourquoi l'involution? C'est quoi le phénomène d'involution? L'involution, c'est simplement un ralentissement vibratoire dans le plan, ce qui crée la matière. Et la matière n'a pas la faculté de réfléchir une énergie hautement vibratoire. Alors, l'involution, c'est simplement l'évolution. L'évolution, regardez ceci. Pour pouvoir accumuler des feuilles sur la table pour en faire une épaisseur. Ça ressemble à l'homme, hein? Bon. La feuille part d'un niveau évolué et elle doit évoluer pour permettre à l'autre, à l'homme, d'évoluer. Et plus les énergies osent évoluer, plus cela crée l'évolution, ça remonte. Mais l'énergie ici a pour fonction d'aller au fin fond de l'espace-temps, c'est la matière. Elle doit donc devenir matière. Lorsque la matière est suffisamment énergisée, on passe au plan vital. On continue à évoluer pour évoluer. Parce que l'évolution, si on regarde ce phénomène comme je viens de l'expliquer, ben ça n'existe pas. C'est une fonction, c'est une réaction mécanique, chimique, électronique, divine, ça comme vous voudrez, mais ça n'existe pas. Lorsqu'on parle d'un plan de force d'évolution, ce sont des forces qui essaient de s'accaparer de parcelles de l'homme pour se constituer eux-mêmes un corps. Alors évidemment, on peut parler des énergies diaboliques. On peut parler de différentes formes d'énergie que les continents évolués ne vivent plus trop, mais qu'on vit très bien dans les endroits plus sous-développés. Et c'est normal. C'est plus facile d'aller chercher une énergie à une conscience faible qu'à une conscience mentalisée ou intellectualisée, donc ayant un mental naissant, comme on l'a dans les régions très développées. Personne qui dit « j'ai vécu une situation où en quelques secondes, une sensation comme manquer d'air, mais c'était manquer d'éther, comme une asphyxie du corps avec impossibilité de faire quoi que ce soit pour changer cet état de choses. Peux-tu me l'expliquer ?» Elle dit pas si elle est morte ou... Cette personne, elle a une sensibilité évidente parce que si elle est capable de percevoir, une asphyxie, une ischémie corporelle, mais même là, elle voit plutôt que ce serait une asphyxie d'éther. Sans doute d'énergie vitale, parce qu'on a deux formes d'éther, on a l'éther vital et l'éther supramental. Est-ce que c'est une chute de tension? C'est une chute de tension, mais par succion énergétique. Donc, il doit y avoir quelqu'un dans son entourage qui a la faculté de venir têter d'une façon similaire à la sorcellerie son énergie. Il y a quelqu'un, cette personne, elle pratique sans doute une forme de médecine particulière, elle doit avoir des contacts avec certains patients, et elle se fait présentement succionner. Et lorsqu'elle n'est pas aux aguets, disons, lorsque sa conscience n'est pas nécessairement aussi énergisée, elle a sans doute la possibilité de se faire sucer son énergie vitale, ce qui automatiquement opère dans le corps physique un arrêt brusque des fonctions normales. Elle peut avoir senti une asphyxie respiratoire, mais si elle perçoit que c'est éthérique, donc vital, il faudra qu'elle s'arrange pour faire quelque chose en fonction d'un visiteur qu'elle a eu ou de clients qui viennent et qui ont maintenant la possibilité, parce qu'ils lui ont volé quelque chose pour différentes raisons, de pouvoir lui sucer son énergie. Est-ce qu'on peut se protéger contre ça? On peut se protéger contre ça par d'autres moyens magiques. Donc, on parle de sorcellerie qui est la magie noire et de la magie blanche, la formule des mages. Mais c'est de l'absurdité. Ça fonctionne, mais disons que ça n'aide rien. Tu as toujours besoin de mécanismes pour t'en sortir. La personne devra s'arranger pour aller chercher une dose d'énergie. Si elle a la sensibilité de percevoir ça, c'est qu'elle est proche d'être capable d'aller chercher une énergie qui va lui permettre de bloquer carrément ce mécanisme. Moi, si on veut me têter, je peux l'empêcher. Et cette personne, si elle veut empêcher ce mécanisme, sauf qu'on la prend par surprise. On lui a donné un break. Ce n'est certainement pas la première fois qu'elle vit une succion d'énergie, mais elle a eu un laps de temps de repos où elle pensait peut-être s'en être sortie. Et là, c'est le train qui est arrivé. Alors, il y a moyen de se protéger, mais ça encore là, c'est soit par l'augmentation de vibrations, donc par la conscientisation, et ou par, ça se pratique encore, mais disons que moi, je n'en parle pas, parce que celui qui réussit à trouver des moyens en rapport avec les ondes de forme technique, magique, en rapport avec les ondes de forme, pour contrer ça, ben là, maintenant, elle ne veut plus évoluer. Et là, il met ses petits mécanismes, il met ses petits cossins, il arrose son sel, puis tout ça, là, puis là, il se sent bien. La journée qu'on monte le prix du sel, ben là, son prix d'évolution vient de monter. Alors, on n'en parle pas. Ça fonctionne, on ne peut pas traiter de fou celui qui s'en sert. Et ceux qui ont la faculté de se servir de sorcellerie, que ce soit pour le voodoo, que ce soit pour d'autres choses, ben ça marche. Est-ce que l'on récolte toujours ce que l'on sème? Est-ce que c'est un phénomène de réflexion, ça? On ne récolte pas toujours ce que l'on sème. Ça, c'est très, très, très important, que la loi d'équilibre n'est pas comme l'homme la conçoit. Les choses sur la planète doivent être équilibrées. Si tu n'es plus là pour le manger, tes descendants vont la manger, ton voisin, ton partenaire. On ne ressème pas tout, on ne récolte pas toujours ce que l'on sème, sauf. Présentement, l'homme vit de plus en plus longtemps. C'est évident que la majorité de ce qu'il va semer, il va avoir le temps de le récolter, mais pas comme il l'entend. Vous laissez des jeunes commettre des délits, à 50 ans, un jeune vous tue. Vous n'avez pas laissé un jeune tuer quelqu'un, mais vous avez permis l'instauration d'une société qui, à un moment donné, va continuer à être et vous allez être dedans. Alors, on sème des choses, on récolte pas nécessairement la même envergure, la même chose. Ce n'est pas parce que tu voles qu'on te vole. Mais si tu voles, tu crées une énergie qui va aussi instruire d'autres à voler, puis la société devient ce qu'elle est, puis à un moment donné, ça entre en guerre, ça peut être aussi parce que tu paies ce genre de karma. Alors, ce n'est pas dans le contexte, comme on l'a toujours vu, tu lances un crayon, tu reçois un crayon, tu donnes une pièce, tu reçois une pièce. C'est pas tout à fait ça.